Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Dev & Retry, le podcast sur le développement de jeux vidéo d'un point de vue professionnel, ou presque, puisque je suis avec Marie, étudiante en licence pro jeux vidéo à l'université de Montpellier et au travail sur le projet Montpellier Discovery. Bonsoir à tous. Également avec nous Guillain, titulaire du Bachelor Game Artist d'Artefix et au travail sur le projet Arachi. Bonsoir Vincent, bonsoir tout le monde. Et enfin Floris, mon compère de l'UFM 3D, étudiant en Bachelor en Game Design 3e année. Attends, c'est dingue, c'est toujours avec toi que j'ai le plus de mal alors qu'on fait la même chose. Attends, alors, en 3e année du Bachelor Game Design Option Programmation de l'UFM 3D au travail sur le projet Astreos. Bien joué. Merci. Bonjour. Et donc, pour une fois que j'y pense, moi c'est Vincent Constantin Turki, étudiant en 2e année du Bachelor Game Design Option Programmation de l'UFM 3D. Bravo. Merci. Et au travail sur Dev & Retry. Qui commence ce soir avec un bon quart d'heure Montpellier. Hein. Ouais, oula, carrément. Bah, c'est moi qui suis à la technique cette fois-ci, en plus d'être à l'animation, alors vous m'excuserez. Hein. au programme de ce soir, du coup, nous allons revenir sur la semaine montpelliéraine des industries culturelles et créatives qui s'est déroulée du 9 au 12 avril dernier. C'est une semaine du coup qui était dédiée aux différentes industries culturelles et créatives comme son nom l'indique. C'est-à-dire que les événements qui étaient organisés durant cette semaine-là mêlaient différentes industries culturelles et créatives telles que le cinéma, le jeu vidéo, la bande dessinée, le théâtre et ce genre de choses. Donc on va revenir un petit peu sur quelques des événements qui s'y sont déroulés. Et on va commencer tout de suite avec Marie qui va nous parler de l'Ubisoft Game Challenge, aussi connu sous le nom de Gacha. On t'écoute Marie, est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience sur cette jam qui n'est pas... Alors, on m'a dit que ce n'était pas une jam, on ne devait pas considérer ça comme une jam, est-ce que... Alors, on m'a pas parlé de ça, nous on a considéré ça comme une jam depuis le début. Ouais. Donc l'organisateur qui était Ubisoft nous a... Donc je vais raconter un peu comment ça se passe dès le début. Je t'en prie. Donc ça s'est passé à la French Tech, on a commencé le matin très tôt, il était 8h je crois, et je considère que c'est très tôt. Et on s'est tous regroupés et on a eu le droit à un petit café avant de connaître le sujet qui a été dicté par Ubisoft. Le sujet était en l'occurrence automne 1529, 14 rue des écoles de pharmacie. Donc un titre, un thème bien mystérieux. Et donc notre première idée était de chercher à quoi correspondait ce thème. En parallèle, les équipes ont été créées, donc créées de façon aléatoire. C'est pas vous qui avez choisi ? Non, ce n'est pas nous qui avons choisi. C'était une façon bien particulière, donc les game designers, les programmeurs, les graphistes et les musiciens ont été répartis en groupes. On a tous eu un numéro et les numéros correspondants, donc moi je faisais partie de l'équipe des 4, se sont réunis en équipe de 13 personnes. Donc mon équipe était composée de 4 graphistes, 4 programmeurs et 3 game designers. C'est correct ça. C'est beaucoup de game designers je dirais. Ouais, c'est oui, un peu ouais, ouais, effectivement. C'est ça. Et ah. Ouais. J'allais dire un programmeur en plus du coup plutôt qu'un game designer serait... Mais non mais je suis bête, il y avait 5 programmeurs mais il y avait quand même 3 game designers. Du coup notre première chose a été de chercher au sujet du thème. Il faut savoir que en automne 1529 à 14 rue des écoles qui est le lieu de la Panacée à Montpellier, donc un centre culturel, à cette époque il y avait l'ancienne école de médecine et où Nostradamus a été accepté à cet automne de 1529. Nostradamus qui est un personnage de Montpellier bien connu pour ses prédiction un peu bizarre et donc notre jeu devait porter sur ce thème là. Ce qui est assez drôle sur Nostradamus, c'est que j'ai appris il y a pas longtemps qu'il s'était fait virer de la fac de Montpellier. Ouais, tout à fait, en fait il a été pris, donc il a été refusé plusieurs fois parce que c'était ce qu'on peut appeler c'était un laborantin, un apothicaire, un peu les alchimistes de l'époque, et il s'est fait virer 3 mois plus tard. Parce qu'ils considéraient que les apothicaires considéraient que c'était un peu le diable de faire de la médecine. Donc nous on a décidé de faire un jeu sur Nostradamus, et ben, comme tout le monde bien sûr, on n'est pas très originaux. Et on a commencé à débriefer, déjà à apprendre à se connaître, parce que c'est compliqué, une équipe de 13 en 3 jours, en 3 jours, c'est hyper dur à gérer. J'ai oublié de préciser un point, en plus de ce thème super bizarre, on avait des contraintes. Et les contraintes, comment elles fonctionnent ? On tire des cartes avec l'équipe qui vont de facile à difficile. Ces cartes sont des contraintes et quand on prend des difficiles, je vous assure que c'est difficile, mais c'est rien de le dire. C'est hardcore. Et les faciles sont hardcore quand même. Donc nous, on avait décidé, donc on a le choix parmi ces 5 cartes de prendre soit des faciles, soit des durs, sachant que si on respecte les durs, on gagne des points. Si on ne les respecte pas, on perd des points. Et c'est-à-dire que les plus grandes cartes, donc les plus difficiles, valaient 8 points et les plus faciles valaient 3 points. Donc c'était quelque part plus facile de prendre des easy, donc des faciles, mais on risquait de perdre des points. Donc nous, on a décidé de prendre une difficile. Donc je vous donne le thème de la difficile, qui était 4 tons d'une même couleur. 4 tons d'une même couleur pour un jeu. C'est hyper compliqué. C'était juste ça qu'il y avait écrit sur la carte ? 4 tons d'une même couleur, ouais. Donc dans ton jeu, il devait y avoir que 4 tons d'une même couleur. Dans l'intégralité. C'est pas ça que jeu. Ça veut dire. Enfin, moi, si je lis une carte 4 tons d'une même couleur, ouais. Ça veut dire que dans ton jeu, dans ta palette, bah, tu prends une couleur où t'as 4 tons différents. Ouais, tu peux le voir comme ça aussi, je pense. Alors, et je pense que tu peux vraiment leur expliquer en mode, eh bah, ouais, nous on l'a vu comme ça, et du coup. Alors, tu vois, ils étaient dans le coin et ils traînaient. Du coup, on a pu leur poser la question, ils nous ont dit absolument pas. Non, non, vous allez prendre 4 tons d'une même couleur et c'est tout. Après, il y avait des petites techniques où on a utilisé la trame, si vous voyez à quoi ça correspond. Ensuite, une des cartes qu'on a eues, c'était utiliser la dynamique des fluides. C'est pas évident. En 3 jours, c'est carrément pas évident. Ensuite, on avait... Ouais, c'est ce que je voulais te demander, ça dure que 3 jours, la jam? Ouais, elle dure que 3 jours. C'est ultra court. C'est ultra court et ultra long en même temps. À 13 en plus, c'est compliqué à manager tout ça. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que c'est court parce que vu des contraintes, il faut avoir un super game design. Du coup, ça met du temps. On a mis énormément de temps à trouver notre game design. Je crois qu'on a mis plus de 7 ou 8 heures à trouver un jeu qui plaisait à tout le monde, mais qui n'a pas plu à tout le monde. Du coup, le management d'équipe était très compliqué parce que les gens ne partaient pas sur la même idée du jeu. Il y en avait qui n'étaient pas contents. Du coup, ils faisaient peut-être un peu preuve de mauvaise foi, et d'autres qui faisaient preuve de non-compréhension des gens qui n'avaient pas accepté. Enfin, en fait, le plus dur pour moi dans l'Ubisoft Game Challenge, c'était vraiment la gestion d'équipe. J'étais game designer et je me suis positionnée en tant que chef de projet par habitude. Bien sûr, parce que les gens m'ont accepté tel quel, je me suis pas imposée comme ça en mode ah non, c'est moi qui décide, c'est bon. Non, non, bien sûr, j'ai. C'est pas du tout comme ça. Hein. Non. Un petit peu. Non, pas du tout. C'est juste que je faisais juste la communication entre les équipes parce que on avait eu la mauvaise idée de mettre tous les procs d'un côté, tous les graphes d'un côté. Du coup, il n'y avait pas de communication et les game designers au milieu, donc on faisait le lien. Entre game designers, on s'est super bien entendu et entre graphistes, ça s'est mal entendu. Ça s'est mal entendu, non, ça s'est bien entendu, mais il y avait des 2D et des 3D, du coup c'était complexe de relier les deux. Pour moi, c'était la game jam que j'ai fait la plus compliquée. En termes de personnes, j'ai apprécié les gens avec qui j'ai travaillé, mais ça ne change pas que travailler à 13, c'est ultra dur en si peu de temps. Nous, ce qu'on a fait, c'est un party game qui s'appelle Nostrash. Pardon. Non, parce qu'on me parle en même temps, mais je t'écoute. Je voulais savoir s'il y avait un truc. Nous, on a fait un party game parce que on voulait du fun et notre mécanique c'était la trahison. On devait, enfin, une des cartes c'était faire une mécanique de trahison. Donc, on a décidé de faire un party game à 4 en 3D et c'était une erreur. Notre erreur principale, on voulait la faire en 2D, mais on avait des artistes 3D. Du coup, on s'est dit, on va faire en 3D pour. Parce que c'est quand même une game jam, il faut que tout le monde s'amuse. Et les graphistes ne voulaient pas faire 2D, je les comprends totalement. Malheureusement, sur Unreal, en 3 jours, en 3D, vous vous rendez bien compte qu'à un moment, ça déconne. Ah, 4 joueurs. Avec des fluides. Avec des contraintes impossibles à respecter, des graphistes qui avaient du mal à trouver une DA, du coup, qui ont donné des animations pas à temps pour l'intégration. Et ça a été un problème pour tous. Donc bref, à part ça... C'était une expérience. Et en fait, à la fin des 72 heures, donc à 15 heures, Ubisoft vérifiait. Vérifiait les jeux. Et s'ils ne fonctionnaient pas, vous étiez disqualifié. Ah donc ouais, c'est violent, ouais. Qu'est-ce que t'appelles pas fonctionner ? C'est-à-dire que tu builds et que tu ne peux rien lancer. D'accord. Donc c'est tout simple. Parce que pas fonctionner, tu peux l'avoir quand même sous différents sens. Alors, tu peux avoir le jeu qui se lance et après juste un personnage qui marche. On aurait été disqualifié, tu vois, si ça s'était passé comme ça. Il fallait un gameplay loop fini de A à Z ou c'était... Alors, quand ils sont passés à 15h, non. Après, dans l'idée, si tu voulais gagner, oui. Oui. Donc nous, on n'a pas été disqualifiés. Il y a une équipe qui a été disqualifiée, une autre qui a failli. J'étais dégoûtée pour eux, en plus ils étaient hyper sympas, enfin, j'étais juste là, je suis désolée pour vous les gars, mais bon voilà. Au final, ensuite il y a eu le jury qui est passé, il faut savoir que ceux qui ont gagné pour moi, c'était évident qu'ils devaient gagner, ils ont fait un travail extraordinaire, trois des équipes ont fait un travail extraordinaire, les autres ont eu un peu plus de mal, mais par un... trop d'ambition, comme d'habitude en Game Jam. Et non, mais ceux qui ont gagné ont fait un jeu, mais j'étais abasourdie. Des mecs talentueux. Et en plus, enfin. Il y avait quand même une bonne ambiance dans l'ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait surtout? C'est un mystère. C'est un jeu que je pourrais même pas t'énoncer, ça prendrait des heures à énoncer comment ça marche. Mais en gros, ils avaient la problématique de mettre Rabelais dans leur jeu. Du coup, ils ont fait un jeu où Rabelais était avec Nostradamus et ils étaient en même temps contre. Enfin, ils faisaient des potions. Mais en fait, si tu veux, au niveau de l'animation, de la 3D, de comment ça marchait, le fait que déjà le jeu fonctionne de A à Z, sans problème, avec une phase de nuit et de jour parfaitement maîtrisée, pour une game jam, c'est impressionnant. Ouais, je crois qu'il y a des collègues à moi qui ont bossé sur ce jeu, donc je leur fais un coucou. Okay. Et ben moi, j'étais impressionnée par leur jeu, et franchement, le résultat d'Ubisoft, comparé à d'autres game jams où les jurys étaient peut-être pas assez. Disaient pas. Enfin voilà, pas assez sévères ou. Pas assez performant dans ce qu'ils faisaient, je trouve, enfin, de jury, dans la qualité de jury. Là, c'était vraiment, on était tous d'accord. Il n'y a pas eu de « Ah oh, non, je suis pas d'accord », nous, on a fini quatrième. Et franchement, je suis même pas d'accord avec ça, par contre. Genre, parce qu'on n'a pas fini le jeu. Après, notre concept était cool. Tout le monde a essayé de bien travailler, c'est juste concours de circonstances. Mais voilà, alors il faut savoir que la gacha, c'était pas que ça. Ubisoft était présent. Et Ubisoft était là pour nous parler. Et on a pu parler à des professionnels, donc tout le monde était ravi, ils prenaient bien le temps de nous expliquer ce que c'était l'industrie. J'ai pu parler à un game designer, donc Karmark. Je l'ai écouté parler plus que je lui ai parlé. Et il m'a fait prendre conscience que le métier de game designer n'était pas vraiment ce que je pensais, même si je savais à peu près à quoi m'en tenir et que je ne voulais pas faire ça au final. J'ai compris que définitivement je ne voulais pas faire ça. Il y en a au contraire qui ont compris que définitivement ils voulaient faire ça. Ça a permis aux gens de se recentrer et de se spécialiser. Du coup, c'était une super expérience. Voilà, pour moi c'était juste une game jam ultra dure et beaucoup trop dure pour ce que ça vaut entre guillemets 72 heures. Je pense que j'aurais préféré faire autre chose au final. Mais j'ai quand même rencontré des gens super, donc je suis contente. Mais voilà, la gacha, c'est ça. Ouais, merci, super intéressant. Karmak, d'ailleurs, tu en parlais, il a fondé, en tout cas, il a cofondé cet événement de l'Ubisoft Game Challenge. C'est quelque chose qui lui tient très à cœur. Il donne beaucoup de son énergie aux jeunes développeurs, justement aux développeurs en devenir. On aura l'occasion de revenir sur Karmak tout à l'heure, puisqu'il a animé une conférence dont nous discuterons. Que te dire d'autre? Oui, déjà, vous avez fait votre jeu sur Unreal, et pourquoi ne pas avoir pris comme moteur Unity? Alors tu vois, on s'est posé la question, toutes les 24 heures restantes, on s'est dit « Putain, si c'était sur Unity, ça serait fini !» En fait, on a fait sur Unreal parce qu'on avait trois programmeurs qui viennent de Strasbourg qui nous ont dit « Ouais, bah non, on connaît qu'Unreal. » Et on avait deux autres programmeurs qui nous ont dit « Ah, bah on connaît qu'Unity. » Voilà, 3 contre 2. Et finalement, les deux programmeurs qui travaillaient sur Unity, à la base, ont fait un excellent travail. Nos programmeurs ont essayé de faire de leur mieux, et je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Qu'ils ont quand même fait un bon travail malgré le fait que c'était pas terminé. C'est, comme je dis, concours de circonstances. Mais Unreal est beaucoup trop compliqué en 72 heures, on est bien d'accord là-dessus. Mais sinon, après, pour un jeu un peu plus où t'as un peu plus de temps pour travailler dessus, moi je préfère Unreal personnellement. Non, mais bien sûr, c'est une question de temps. C'est seulement une question de temps, parce qu'Unreal a des très bonnes qualités. Faudra faire une émission sur les outils d'ailleurs, je pense. Ouais, non, c'est vrai. Aussi, du coup, effectivement, tu soulevais le problème de la taille de l'équipe, hein, qui était 13 membres de l'équipe. Vous vous connaissez pas, vous avez que 3 jours pour bosser ensemble. Effectivement, je pense que ça devait être un sacré handicap, parce que l'un des grands défis sur une production de jeux vidéo, c'est d'arriver à communiquer entre toutes les personnes qui travaillent et à mettre tout le monde d'accord. Et en plus, là, alors tu étais chef de projet, tu avais plus d'autorité, on va dire, sur la production que les autres en théorie. Je faisais plus le lien entre les gens. Enfin, j'étais game designer, mais oui. Mais d'ailleurs, tu étais toute seule à faire ça? On était 3 à faire du game design. Mais non, mais chef de projet, enfin manager. Je faisais le lien, ils essayaient de faire le lien entre eux, mais oui, on se référait souvent à moi parce que en fait, j'avais deux autres game designers qui sont vraiment des game designers professionnels, que je n'ai pas leur talent de game design. Du coup, je me suis plus référée à ce que je sais faire, tout simplement. Mais oui, effectivement. Ok, mais alors, de ce que je comprends, enfin, ça n'avait pas été implicite que ce soit toi le chef de projet qui manage les équipes sur le moment? Non, c'est juste une habitude que j'ai prise, vu que je travaille sur CoreScope en tant que chef de projet, j'ai l'habitude de faire le lien entre les gens. D'accord. Pour que ça leur prenne pas la tête et qu'ils soient tous d'accord. Sur, okay. J'ai toutes les idées en tête, je les redistribue. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Mais c'est vraiment une habitude que j'ai prise après. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est juste que par rapport à l'équipe, est-ce que l'équipe te considérait en mode oui, la chef de projet, manager, c'est toi? Parce que. Alors, en tant que terme dit. Non, par contre, dès qu'ils avaient une question, ils me la posaient. D'accord, parce que je pense qu'en game jam, c'est bien qu'il y ait, de poser les bases et que si quelqu'un fait manager, chef de projet, ce soit clair. Comme ça, après, tu peux. En fait, là où ça pose problème de mettre un chef de projet en lui donnant ce titre-là, c'est les problèmes d'ego. Il y en a qui ne vont pas forcément accepter d'avoir un chef de projet et se sentir soi-disant inférieur alors que c'est juste du management. Et bah, manager dans ce cas-là, après c'est juste un terme employé. C'est juste un lien entre les gens. Il y aura des gens qui se sentent mal quand ils ne sont pas le chef, même si c'est ça. Peut-être pas le du coup, tu ne dis pas, hein, tu le dis jamais. Ouais, j'avoue que j'ai la place de Vincent là, ce soir, je me sens bien. C'est ça. Mais ouais, du coup, c'est hyper délicat. Tu habitues pas. qu'est-ce que je veux dire? Oui, non, c'est là où je voulais en venir, effectivement. Ça doit être, enfin, les gens ils ne connaissent pas, vous ne connaissiez pas et. Asseoir, enfin, te faire respecter en tant que chef de projet sur ce truc-là, alors que les gens, ils savent pas de quoi t'es capable, j'imagine que ça devait être compliqué. Alors, effectivement, du coup, tu dis que ça n'a pas été explicitement énoncé que tu étais chef de projet, mais qu'à la finale, tu remplissais ce rôle-là. C'est ça. Ouais. Et que te dire d'autre? Oui, non, mais effectivement, du coup, une taille d'équipe trop importante en game jam, quand tu connais personne, c'est sûr que ça doit être utile, parce que du coup, tu peux produire peut-être plus rapidement en termes. T'as plus de compétences, donc voilà, mais en même temps, il y a des problèmes de communication supplémentaires. Alors, moi, je pense vraiment qu'en taille réduite, on est limite plus efficace. Ouais. De ce que j'ai vu en game jam, là, c'était du grand n'importe quoi. Parce que les gens savaient pas exactement ce qu'ils devaient faire, les gens et devaient dire « Ah, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça ». Enfin, entre programmeurs, par exemple, je faisais pas le lien entre eux. Du coup, ils passaient du temps à faire du management d'équipe dans leur propre team. Moi, je faisais du management global. Eux, ils faisaient entre eux, ouais, toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il y a un programmeur qui s'est mis à la place de lead, mais de lead programmeur parce que c'était le plus qualifié. Mais du coup, il a perdu énormément de temps à dire à tout le monde ce qu'il devait faire plutôt que de lui travailler, et il aurait sans doute pu travailler plus rapidement. Pareil niveau du graphisme. Mais c'est peut-être simplement en fonction de comment était faite la jam de base. Que simplement si on vous avait pas fait des équipes qui étaient déjà formées à la base et que vous étiez mis par affinité et, par exemple que les artistes 2D soient entre eux et qu'il n'y ait pas un mélange 2D-3D, ça aurait peut-être pu faire quelque chose de sympa. Je suis absolument d'accord qu'il y a un problème là-dedans. L'aléatoire, c'est en fait moi je trouve ça génial parce que tu peux rencontrer des nouvelles personnes, mais pas à 13 à 4, allez. Mais ça porte malheur en plus. Il faut savoir aussi juste un truc que j'ai oublié de préciser, c'est les équipes ont été constituées. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un souk, donc ils ont appelé ça comme ça, où on peut échanger des personnes de notre équipe, comme des gardes Pokémon. Et du coup, il y avait des gens qui disaient « Ah, j'ai un game designer entre eux, vous voulez un programmeur ?» Et c'était assez amusant. Après, je crois qu'il y a 2-3 pros qui sont mis ensemble pour être entre copains. Putain, je vois trop la scène. Il est pas bon mon poisson. C'est ça. C'était typiquement ça, ouais. Et moi j'ai dit ouais les gars, on est 3 game designers. Je vais peut-être aller voir ailleurs, mais pas parce qu'on était trop. En fait, ils étaient tous 3 game designers. Donc c'était un peu, c'était mort. Okay. Et eh ben du coup tu sais que l'équipe qui a gagné avait été hyper efficace et je ne suis pas très étonné, du moins en ce qui concerne la programmation, puisqu'avec Floris on a un ami qui était dans cette équipe, Mika. C'était l'équipe de Mika ? Eh oui. Il n'y avait pas Jeff aussi qui était dedans ? Ok, c'est les deux. Voilà. Okay. Donc, ils sont bons ? Mika est un excellent programmeur, ouais. Oui. Okay. Et Jeff est très bon en 3D aussi. Ok, ben ça s'est bien vérifié. C'est vrai qu'ils avaient un rendu, mais moi j'étais ouf. Ok, très bien. Ben, merci Marie pour ce retour d'expérience fort intéressant. Et nous allons enchaîner avec un sujet tout aussi sexy, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit de la comptabilité dans le jeu vidéo. Oh, qu'est-ce que c'est moi qui vais m'y coller, vu que j'ai assisté à une conférence table ronde. Bon, ben, c'est parti alors. Donc, il y a quelques semaines, je ne sais plus quand est-ce que c'était la date précisément. Est-ce que c'est entre le 9 et le 12 avril, je ne sais plus. Celle sur, avec Ben, à laquelle j'ai assisté à moitié avec toi, c'était le 12 avril. 12 avril, ok. Ben, à cette conférence-là, donc il y avait 3 intervenants qui étaient venus nous parler d'ateliers comptabilité et fiscalité, avec un peu de financement derrière. Donc les intervenants, il y avait Bruno Carbonnier, qui est avocat spécialiste de la propriété intellectuelle au cabinet Lestanque. Eric Henault, expert comptable donc du groupe Emergence, et Thomas Leustem, avocat spécialiste du droit du travail à BBL Avocat. Sur cette conférence, un peu table ronde qui était un petit comité, on a eu plusieurs parties, toute une partie sur la faisabilité financière, comment faire en sorte de les bonnes pratiques pour quand on crée sa boîte pour optimiser ses dépenses et comment bien créer les contrats. Donc ils nous ont donné pas mal d'éléments sur notamment le droit du travail, où par exemple, quand on embauche quelqu'un, le choix du CDI-CDD qui va dépendre de la convention collective dans laquelle on est. Donc la convention collective qui est déterminée par, j'ai plus exactement mes notes, mais c'est comment on décrit l'activité de l'entreprise. Et c'est ça qui va déterminer votre code APE, qui va donner la convention collective à laquelle vous appartenez. Et donc ça, c'est de là qu'il faut faire attention, parce qu'en fonction de la convention collective, votre salarié n'aura pas les mêmes conditions. Tu viens de m'apprendre un truc, c'est incroyable, parce qu'on vient de recevoir notre numéro de Siret et APE, et ils se sont trompés. Ils nous ont mis dans un film publicitaire. Voilà, et du coup donc tu me dis qu'on n'a pas la même convention En fonction de l'intitulé que tu mets sur l'entreprise, c'est en fonction des premiers mots que tu mets, ils regardent, okay. Et ils font ok, on met dans cette case là c'est terrible. Du coup, alors, les contraintes des films publics, d'accord, vas-y, je te laisse continuer. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire que ça, tu peux le changer. Bon, après ça coûte un certain truc, mais c'est possible de le changer. Attends, mais c'est eux qui sont trompés, ça suffit, quoi. Ouais, mais... Non, mais les gars, s'il vous plaît, quoi. Après, je crois pas que ce soit très cher, mais j'ai retenu, après la conférence, dans la discussion qu'on a eue, que c'est des choses qui pouvaient changer après coup, ça. Ouais, je l'ai contacté quand même. Bidouiller les conventions. Mmh. Ok. Mais de toute façon, on retient quand même que si un de tes salariés estime qu'il appartient à telle convention collective... Eh ben, tu as les deux conventions qui s'appliquent. La convention dans laquelle tu es et la convention dans laquelle le salarié s'estime s'il a raison d'estimer ça, quoi. Genre, en tribunal, on peut lui dire « Ouais, effectivement, tu appartiens okay. à cette convention. » Si dans, du coup, mon truc interactif de publicité, j'embauche un graphiste, et il aura les deux, du coup. En tant que graphiste, donc... Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça, le délire. Très bien. Merci. Voilà. Donc après tout ça pour en venir que du coup la convention collective, le SMIC n'est pas forcément le salaire minimum en fonction de la convention collective. Donc ça c'est un truc que j'ai appris. Donc que selon la convention le SMIC peut être un peu plus élevé, voire plus bas pour certaines conventions. Par exemple là j'ai un exemple en tête qui est pour des contrats qui s'appellent des CEE. C'est quand on travaille dans l'animation pour enfants. Et en fait c'est des contrats qui mettent un salaire minimum journalier à partir de 10 ou 15 euros. Donc autant vous dire que par mois, ça fait pas payer cher. Et donc c'est pour ça, il y a certaines conventions qui ont ces éléments qui changent. Donc après, il y a toutes les histoires par rapport aux heures supplémentaires. Payer à 125% après les 35 heures qui peuvent être converties en RTT. Donc ça, ils nous ont fait tout un passage sur comment s'arranger en fait, pour pondérer le travail de nos salariés, pour s'arranger pour qu'ils fassent 35 heures. Où en gros, on les fait travailler moins d'heures certains mois, un peu plus certains pendant les périodes de crunch par exemple, qui fait que ça lisse un peu le taux horaire mensuel, et pour pas avoir de problématiques là-dessus. Donc après, qu'est-ce qu'il y avait à cette conférence? Suite en travail. On a enregistré cette table ronde. Alors si vous nous écoutez dans le futur, je ne sais pas quand exactement, mais dans la description du podcast, vous trouverez le lien de la conférence. Normalement aujourd'hui. Hein. Ouais, non, mais elle a pas encore été montée, la table okay. ronde. Donc, mais la conférence a déjà été postée en ligne? Mais non, mais elle n'a pas été montée. Ah, d'accord. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Donc voilà, non, c'est pour te dire, n'entre pas forcément dans les détails après, si là tu sais plus trop quoi rajouter, parce que de toute façon, on oriente les gens vers la table ronde okay. en intégrale. Mais ce que tu dis par exemple sur le fait de lisser lisser les heures de travail, c'était quelque chose d'intéressant parce qu'actuellement, on entend beaucoup parler du crunch, notamment par les enquêtes de Mediapart, Le Monde et Canard PC, qui s'en sont pris à Quantic Dream et à d'autres, je crois, ou en tout cas, il me semble que c'est pas fini. Enfin bref, oui. Quantic Dream, c'est sûr. Oui, le crunch, donc si vous ne savez pas ce que c'est quand... On a une surcharge de travail à la fin de la production d'un jeu parce que le jeu il faut le sortir à telle date et que souvent c'est un jeu vidéo, c'est jamais terminé vraiment, donc du coup on donne un dernier coup de collier avant la deadline et du coup c'est des heures supplémentaires que les salariés font et du coup cette histoire de lisser les heures de travail c'est simplement de si tu ne peux pas rémunérer sur le moment tes salariés au prix que valent les heures supplémentaires qu'ils accomplissent et que je ne peux pas leur donner s'ils travaillent un total de 15 jours supplémentaires qu'ils n'auraient pas dû faire, tu ne peux pas à l'issue du crunch leur filer 15 jours de vacances parce que du coup l'entreprise elle fait quoi pendant ce temps s'il n'y a plus d'employés, du coup c'est tout simplement de pondérer de faire que les 15 jours que tu leur laisses de libre ce soit sur une période plus longue, plus étalée, voilà. Bon, c'était intéressant en tout cas de voir ça, puisque l'intérêt de si vous travaillez à Ubisoft, bon, c'est-à-dire que, basiquement, vous n'avez pas trop à vous en soucier, mais si vous êtes un développeur indépendant, si vous avez pour ambition de monter votre propre studio, ouais, c'est le genre d'information qui peut vous être très utile, donc je vous encourage à regarder cette table ronde. J'en connais une qui regrette de ne pas avoir monté son studio après. Non mais là, je vais voir ça, tu vois, directement, mais ouais. Voilà, du coup dans le futur, regardez la description du podcast si vous avez de la chance, il y a un lien qui renvoie vers l'intégralité de la conférence qui a été captée un petit peu bizarrement sur la... Moi, il n'y a pas de micro-son de mémoire. C'est moi qui me suis chargé de l'enregistrement de ce truc là. Oui, bon, si vous entendez rien ce soir c'est normal. Ouais, j'avais pris un zoom pour enregistrer le son proprement, il se trouve que ça n'a pas du tout marché, qu'on a enregistré le son au téléphone portable. Par contre l'image elle a été enregistrée en 1080 HD. En 4K, c'est très beau à regarder. Mais bon, ouais, c'est ça. Bon. Lisez sur les lèvres. voilà. Mais sinon, après, il y avait quand même 2-3 autres éléments qui étaient intéressants dans la conférence, notamment sur tout ce qui est protection, propriété intellectuelle. Ah oui, donc, je t'écoute. Non, mais après, c'est assez classique. Donc, c'était juste que les choses que tu peux protéger, donc la marque, le nom, le logo, tu peux protéger une forme. Donc ça, c'est par exemple la bouteille de Coca-Cola, la forme de la bouteille qui est protégée, qu'on n'a pas le droit de recopier. Et tout ce qui est industrie, donc ça va être tout ce qui est les brevets, donc vraiment sur de la technique. Mais ça, c'est globalement tout ce que tu peux protéger, parce qu'après, tu ne peux pas protéger une idée. Tu peux pas dire tiens c'est moi qui ai eu cette idée à ce moment là, faut que tu protèges quelque chose qui soit vraiment très précis. Par exemple tu peux pas dire ouais j'ai une idée, je voulais faire un jeu où t'as un personnage qui court et qui saute et qui casse des blocs avec sa tête. Genre si juste tu dis ça, ouais, c'est un exemple, franchement je suis sûr que je me le ferais pas piquer ça. ouais, ça c'est pas possible de protéger. Mais par contre, du coup, je sais plus où je veux en venir. Bah tiens, j'ai une question pour toi. Est-ce que vous avez parlé pendant cette conférence de l'enveloppe solo ? Ouais, on en a parlé. Donc ça, c'est quelque chose qui permet en fait de protéger quand on a un concept qui soit un peu plus fourni justement que cette idée-là. Ouais, merci. En fait, on envoie une enveloppe. Enfin, on demande une enveloppe solo, donc ça coûte 15€, si mes souvenirs sont bons. Ouais, maintenant ça devient numérique, mais oui. Ouais, si on veut le faire papier, donc on reçoit deux enveloppes dans lesquelles on va mettre, je crois, c'est une 7 pages. 7 pages. Je suis au courant là-dessus. Vas-y, raconte, t'as l'air. Alors, l'enveloppe solo, c'est un processus qui a été mis en place par Monsieur Solo. Lourd. S-O-L-E-A-U pour ceux non, qui veulent savoir. Non, mais tu fais bien de préciser parce que moi je pensais à Solo et oui, Solo. Hein. Mais moi aussi pendant très longtemps, jusqu'à quelqu'un me l'écrit, je suis. Ah du coup, on va sur le site et en fait, on reçoit deux lettres, enfin, on envoie deux lettres. Et avec. Donc là, on a le droit à 7 pages quand c'est à l'écrit où il y a nos concepts. Si on a un concept innovant, donc tout l'histoire du concept, notre charte graphique, tout ce qu'on a un peu fait sur le projet jusqu'à maintenant. Donc on l'envoie à cette adresse. Nous, ils nous renvoient la même lettre. Quelle adresse ? C'est pour ça que je t'ai fait raconter, parce que j'ai pas envie de me gourer sur le nom. Je sais plus du tout. Bah non, l'affaire numérique. Bah, je vais en parler dans deux secondes. Ouais, l'adresse de toute façon. Ouais. Claire, on la trouvera pendant la pause. Du coup, donc, il faut envoyer ça en double dans les deux lettres. Et ensuite, il la scelle avec une date. Et ensuite, il la renvoie. Donc, on a une preuve qu'on a envoyé ça, que notre idée, c'était bien à cette date-là qu'on l'a mise, que c'est bien nous les initiateurs de ce projet. Et c'est scellé. Si jamais on a des problèmes avec nos droits, je crois que c'est utilisable en justice. Mm. Nous par exemple on l'a fait en ligne, donc là on a le droit à c'est par méga qu'on donne. On a, donc nous typiquement on a fait 25 mégas de données et ça nous a coûté 25 €. Ok. Voilà. Et donc c'est à l'INPI, je viens de voir, je viens de vérifier, donc l'enveloppe solo c'est à l'INPI. D'accord, voilà, donc je suppose que c'est utilisable en justice. Nous j'avoue qu'on l'a fait dès le début du projet parce que ça se vérifie que c'est toujours utile. Parce que c'est une idée qui est assez basique. Et on veut la garder et que tout le monde nous l'a conseillé. Et on s'est rendu compte qu'en parlant, que ça se diffusait vraiment et qu'il y avait des gens qui reprenaient un peu ce qu'on disait. Et effectivement, je pense pas que ça nous protège vraiment autant qu'un brevet, loin de là. Puisqu'un brevet c'est hyper cher et que c'est hyper précis. Mais au moins on est capable de dire oui, on l'a fait. Oui, c'était à cette date-là. Et oui, on est bien l'initiateur de ce projet. Ouais, bah c'est super utile. Et puis aussi, je voulais rajouter qu'on ne peut pas protéger du gameplay. Par exemple, ouais, c'est exactement parce que le gameplay en fait c'est équivalent à avoir une idée. Mm. C'est pour ça que c'est pas protégeable en fait. Il y avait un studio, je sais plus, qui a essayé de breveter la flèche directionnelle. C'est Taxi, je sais pas quoi. Ouais, c'était pour le jeu Taxi Driver effectivement. Taxi Driver. Ouais, c'est pas un film. Moi, non, c'est Taxi Driver. Non, Crazy Taxi. Crazy Taxi. ouais, qui du coup, les créateurs avaient essayé de breveter cette putain de flèche là qu'on a retrouvée après dans Hunters the Matrix, donc c'est bien la preuve qu'ils ont pas réussi. Non, c'est la flèche est pas la même justement. C'est parce qu'en fait, ils avaient breveté le design de la flèche pour qu'elle soit faite d'une certaine manière. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est comme par exemple à Nintendo, ils avaient brevé la croix la croix sur leur manette. Exactement. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé avec toutes les manettes qui reprenait la croix, ouais. Mais qui n'avait pas exactement le même design. Ouais. Du coup, il disait non. ça a été aussi un souci pour Windows et Apple. Le clic gauche de la souris qui a été breveté. Du coup, c'est pour ça que les souris Apple ont cette forme-là où il n'y a qu'un seul bouton. C'est parce que ça a été breveté par Windows. Ah oui, continue. Tu as fini? Non, oui, je t'en prie. Non, je viens de repenser aussi à... C'est Konami ou Bandai Namco. C'est Bandai Namco qui avait fait breveter les mini-jeux dans les temps de chargement. Et je crois qu'ils avaient réussi, je crois que maintenant c'est, je sais plus où ça en est maintenant, mais à l'époque il y avait que dans les jeux Bandai Namco que tu retrouvais les mini-jeux dans les temps de chargement. Avec les Budokai, etc. Bah, par exemple, ouais. Exactement. Parce que après c'est, du coup ça me fait penser qu'un brevet est limité dans le temps. C'est qu'au bout d'un certain temps, je crois que c'est 10 ou 20 ans, je sais plus exactement, mais le concept tombe dans le domaine public. Mmh. Et donc il ne peut pas être gardé à des fins privées. Il peut pas être rebreveté par la suite. Ça peut être rebreveté, mais enfin je crois qu'il y a une limite, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment ça tombe dans le domaine public. D'accord. Ouais. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Bah, après, si tu veux, moi je peux continuer encore sur. Il y a encore plein de notes. Truc qui pourrait être intéressant, petite note qui pourrait vous intéresser, FIC.co, qui est une plateforme de crowdfunding et de recherche d'investissement pour les jeux vidéo. Donc FIC.co, j'avais noté ça. Après aussi, un petit truc assez important, c'est que quand on a une boîte, donc toutes les fiches, factures qu'on fournit à des prestataires, il faut qu'on vérifie nous-mêmes si le mec existe vraiment, si son numéro de tiré existe, etc. Parce qu'en fait, au niveau juridique, on peut se retourner contre nous, d'avoir embauché des gens qui ne sont pas légaux dans leur travail, quoi. Ils sont Playmobil dans leur travail, du coup. Poulum poum tch. Merci. Voilà. Et après, c'est grosso modo les seuls trucs que j'avais. Ah si, juste un petit truc pour le droit d'auteur. Si vous avez un programmeur dans votre équipe et qu'il écrit du code, son code tombe dans le droit d'auteur. Et donc, il faut lui faire signer un contrat avec une cession de droit d'auteur. Sinon, en fait, son code lui appartient et il peut se retourner contre vous en justice en lui disant « Ça, c'est moi qui l'ai fait. » Je suis contente que les programmeurs aient ça. Bah, je trouve ça vachement cool, vu que les artistes ont pareil. Et je me disais « Bon, c'est une sorte d'art qu'ils font, quelque part. » Il y avait une histoire sur le développement de Shadow of Mordor, puisque l'un des programmeurs, c'était... avait prétendu que son code avait été repris, son code qu'il avait fait sur le développement d'Assassin's Creed avait été repris pour Shadow of Mordor. Ouais, exactement. Voilà, c'est tout ce que j'avais ajouté. Et du coup, ça a fini comment, tu sais ? Non, je sais plus. Dernière chose que j'avais entendu dire, c'est qu'il avait littéralement certains noms de variables ou quelque chose qui étaient vraiment réutilisés ou qui étaient les mêmes, donc ça semblait plutôt légitime, mais... Il y avait les mêmes annotations. Mais du coup, je sais pas... Il y avait les mêmes commentaires. Ah, c'est ça. Je sais pas ce qui t'est arrivé, finalement. D'accord. Dans cette histoire. Tu rajoutes quelque chose, Guillaume ? Bah non, vu que ça a l'air chiant. Non, je suis trop contente, j'ai appris plein de trucs, donc ça me va. Non, tout à l'heure, je pensais que t'avais terminé, c'est pour ça que... Non, mais ouais, globalement, c'est tout ce qu'il y avait sur cette conférence que vous retrouverez en lien dans le futur. Voilà, ce n'est pas forcément proche. ouais, d'accord, merci. Moi, je vais pas en parler très longtemps, juste pour vous dire que ça va être en ligne aussi. J'ai animé une table ronde sur le jeu vidéo cinéma, les adaptations de cinématographiques de jeux vidéo. Donc il y avait trois intervenants qui tiraient au sort des extraits de films, ça allait de Matrix à Assassin's Creed en gros. Et donc les trois intervenants, c'était Mathieu Gou du podcast Ludographie Comparée de Radio Kawa, Alina Constantin, qui n'est pas ma sœur, hein, qui a réalisé un film d'animation, Shrug, qui avait remporté des prix à l'Indicate, c'est les jeux, qui avait remporté un prix à je ne sais plus quoi, puisque c'est du cinéma et pas du jeu vidéo. Et en fait, là, dans quelques jours, elle sort le jeu vidéo Shrug Island dans l'univers du film d'animation qu'elle avait réalisé. Ce jeu-là avait été primé à l'Indicate. C'est un jeu du coup ? Oui, Shrug Island est le jeu tiré de l'univers D'accord. du film Shrug. Voilà. Okay. Et en troisième intervenant, il y avait Christophe Butlet du magazine JV et du site Critical. Donc JV, un magazine que je vous conseille fortement de lire, si ce n'est pas déjà le cas. Et Critical, qui est un site ciné, jeux vidéo et séries télé. Voilà, et donc du coup, je ne vais pas en dire plus sur cette table ronde, juste sachez que dans le futur... Regardez la description du podcast et peut-être que vous trouverez un lien qui vous mènera à cette table ronde. Très bien. Du coup, on va passer à une pause musicale avant d'enchaîner sur un sujet un peu plus massif qui est le matchmaking, notamment dans For Honor, avec du coup la conférence de Carmack. On discute de ça juste après une pause musicale. Hop. Oh, j'essaye de communiquer avec l'équipe pendant la pause musicale, je n'y arrive absolument pas. Qu'est-ce que je veux dire ? Pas grave, c'est nouveau là. C'est ça, ouais. Du coup, nous venons de nous écouter Zombies on Your Lawn, qui est une musique du jeu vidéo Plants versus Zombies, que j'aime beaucoup, du studio PopCap, qui est de temps en temps offert par Electronic Arts sur leur plateforme Origins. J'ai une question sur le jeu. Ouais. On est d'accord qu'il était sur... sur Windows, enfin genre de base. Il était sur téléphone au début, mais Plants vs Zombies, il était devenu un jeu 3D à partir après un moment, non ? Où est la question là-dedans ? Bah en fait, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais eu plusieurs PC où il était intégré à mon PC. Ah, ben peut-être, mais ouais, je sais pas. Non, je sais pas, vous l'avez jamais eu ? Je sais pas, je fais ça bien. Je sais pas, moi j'avais Peggle. C'est autre chose. Mais c'est très bien aussi. Mais oui, non, non. Mais Minesweeper. Ouais, mais franchement, ça va loin. Bon, en tout cas, si vous avez Plants vs Zombies déjà installé sur votre ordinateur, vous n'avez aucune excuse pour ne pas y jouer. C'est pas mon truc. Ah là là, n'importe quoi. Bref, oui, en fait, ça c'était juste, c'était pas la musique originale, c'est pas celle qui est dans le jeu, c'est une. Je sais pas, je voulais vous mettre la musique originale, et en fait, donc, quand je l'ai cherchée, je suis tombé sur une cover par des Japonais. Et c'est celle-là que je vous ai passée. C'était du japonais ou c'était une langue fictive? Bah, par moment, je pense qu'il parlait en japonais. En tout cas, ça aurait pu être une langue fictive, je ne connais pas plus. mais voilà, et c'était, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il faut la passer. Par contre, je ne sais pas qui c'est qui chante. Ça devait passer juste après Kingdom Come. Non, Kingdom Come. Oh là là. C'est sa future société qui s'appellera comme ça, Kingdom Come. Mais non, c'est juste que c'est un jeu que je suis en train de faire en ce moment. Kingdom Come Deliverance. Oui. Du coup, ça m'a... Où les gens se sont plaints qu'il y avait pas de noirs en Moyen-Âge de Tchécoslovaquie. Il y avait quoi ? Il y avait une plainte comme quoi il n'y avait pas de noirs dans Kingdom Come Deliverance, qui est une représentation fidèle de la Tchécoslovaquie au Moyen-Âge, donc j'imagine. Mais c'est raciste. Très bien, bah du coup, nous allons parler du matchmaking, la conférence sur le matchmaking qui a organisé Carmack Bolesca, donc senior game designer Ubisoft Montréal. Il a notamment travaillé sur les deux Watch Dogs et du coup sur For Honor, où il était responsable d'une bonne partie du online et notamment de la rétention des joueurs. Donc c'est lui qui s'occupe de faire en sorte que les joueurs ne se lassent pas du multi et qu'ils restent en jeu. C'était, pour ne rien vous cacher, une table ronde à laquelle j'ai été, comment dire, c'était presque que du neuf pour moi, puisque donc, je ne joue très peu en multijoueur. Du multijoueur en ligne, il y a en fait, la conférence répondait à des questions que je m'étais jamais vraiment posées. Donc, bon, j'ai un petit peu. Ouais, mais découvert. Super intéressant. Enfin, la conférence est en ligne, du coup, nous, on l'a regardée après. Ouais. Et on vous mettra le lien sûrement, sans retard. Et franchement, pour un néophyte, on y apprend plein de concepts qui sont super intéressants pour peu qu'on touche un peu au développement de jeux vidéo. Quoi. Oui, parce que tout l'intérêt en fait, de cette conférence, le propos, c'était d'expliquer aux joueurs ce qui se passe en gros dans la boîte noire. C'est-à-dire que en fait, souvent, les joueurs critiquent le matchmaking des jeux. D'ailleurs, si vous écrivez, il en parle dans la conférence, je suis allé vérifier, effectivement, c'est le cas. Si vous écrivez le nom d'un jeu et matchmaking... les premiers résultats de recherche à chaque fois, c'est le matchmaking de ce jeu, c'est de la merde, etc. Que des critiques. Et du coup, lui, il essaie de démystifier un petit peu tout ça. Comment est-ce que ça fonctionne le matchmaking et pourquoi est-ce que c'est compliqué? Et voilà, parce que basiquement, en fait, c'est vrai. Si vous voulez jouer en ligne, ben, vous réfléchissez pas. Si le jeu ne vous met pas en jeu avec d'autres joueurs, vous êtes forcément déçu et peut-être vous allez vous plaindre, etc. Mais en vérité, il y a une recherche de qualité à travers ce processus de matchmaking, c'est-à-dire que comment dire, c'est là que le sujet devient hyper vaste. C'est que ça, moi, de ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, le jeu va essayer de faire en sorte que on passe pas trop de temps à attendre de trouver des adversaires, mais qu'en même temps, il va chercher d'avoir des correspondances en fonction de certaines données, dont notamment, par exemple, le niveau du joueur sur certains jeux compétitifs ou. Par exemple, le comportement qu'il peut adopter, que ce soit un petit troll qui ne bouge pas, qui se connecte et qui fait rien sur la game, ou ce genre de choses-là. Oui, Florence, tu veux ajouter quelque chose ? Non, oui, en fait, il y a le concept de temps vs qualité, qu'il en parle pendant un petit moment. Et ça, c'est très important parce que c'est pas juste. On va pas dire que. Où tu dois te mettre dans le rapport temps vs qualité est complètement différent dépendant du jeu que tu travailles dessus, ce qui semble logique pour certains, mais par exemple, si on prend deux extrêmes, t'as les jeux de combat, c'est du 1 contre 1, donc la qualité doit être vraiment bonne, de la partie que tu trouves. Parce que si tu tombes sur quelqu'un où ça lag un petit peu, c'est chiant. Si tu tombes sur quelqu'un plus fort que toi, même un petit peu, c'est embêtant. Donc il faut vraiment que les niveaux et la connexion soient stables et que tout soit bien. Et par contre, dans l'autre côté du spectrum, t'as des jeux comme PUBG, où t'as 100 personnes qui sont là, qui vont se mettre connectées. Et au niveau capacité du joueur, tu vas pas te remarquer si 50 mecs qui sont dans la partie étaient meilleurs que toi, parce qu'ils sont probablement déjà morts. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai beaucoup aimé son explication sur le multi de PUBG qu'il mettait en opposition avec celui de For Honor, par exemple. Dans For Honor, il y a vraiment un intérêt à avoir un matchmaking travaillé, parce que vraiment, votre expérience en jeu sera... totalement différente si le matchmaking est bien fait ou pas, si vous êtes mis en confrontation avec des joueurs qui ont à peu près le même niveau que vous ou pas. Alors que dans PUBG, finalement, vous êtes 100 sur une map et les attitudes que vont avoir les joueurs sur cette map-là peut coïncider avec la qualité de la partie. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes un joueur agressif, si vous êtes un joueur que vous savez que vous êtes bon à PUBG, vous allez foncer en ville et vous allez tuer des gens. Si vous êtes un joueur, vous n'êtes pas trop confiant sur vos capacités, vous êtes plutôt dans la défense, vous allez plutôt aller dans les endroits de la map reculés où il n'y a personne et vous allez essayer de tuer les gens sans qu'ils vous remarquent, de façon très discrète, profiter de l'effet de surprise et ce genre de choses. Basiquement, ça m'a rappelé un épisode de The Undead qui reposait sur le principe de Hunger Games, hein, de toute façon c'est toujours ça, où le personnage, au lieu de chercher à tuer les autres personnes dans l'arène, attendait que les personnes se tuent entre elles pour ensuite niquer les derniers survivants du truc. Et en plus, du coup, les derniers survivants étaient déjà amochés, blessés, etc. Voilà, vous pouvez jouer comme ça sur une map de PUBG, en fait. Et c'est là que le matchmaking, du coup, est beaucoup plus inclusif et le temps versus qualité est moins présent. Vous pouvez entrer très vite dans une partie parce que de toute façon, la partie sera intéressante pour vous, quel que soit votre niveau de joueur. Oui. Ouais, c'est ce qui est vachement intéressant sur PUBG. Je sais que moi, je suis pas du tout une pro du FPS et j'ai réussi à faire un top 1. J'étais trop contente. c'est assez gratifiant. Bon, je me suis quand même planqué trois quarts du temps, mais c'est super gratifiant ce type de matchmaking, parce qu'on sait que si on n'est pas top 1, il y a des raisons et c'est pas rageant du tout. Après, tu parlais tout à l'heure du fait que certaines fois on était avec des gens qui laguaient ou quoi. Il y a des jeux comme Heroes of the Storm qui font en sorte que des trolls, donc comme toi tu parlais Floris, soient mis avec des gens qui laguent ou les gens qui décoient souvent pour des problèmes de connexion, pour les punir. Donc, il en a pas forcément parlé dans sa conférence, mais c'est juste qu'il en parle un petit moment. Il dit que les joueurs toxiques, il y a quelque chose qui est fait que les joueurs toxiques sont parfois mis avec d'autres joueurs toxiques ou d'autres trucs similaires. Le problème de ça, c'est que le cercle vicieux, en fait. C'est pas juste que cercle vicieux, et aussi ce qui est important, c'est que tu as une communauté en ligne de ton jeu et les joueurs toxiques sont souvent ceux qui vont aller se plaindre en premier. Donc si les joueurs toxiques, ils ont une expérience toxique parce qu'ils tombent que sur des gens toxiques, ils vont aller se plaindre automatiquement et peut-être... Après, c'est ça un souci de communication. C'est un souci, mais, pour certains jeux, pour beaucoup de jeux de compétition en ligne, etc., la communauté en ligne, elle est très très importante, et si les gens ont l'impression qu'il y a énormément de négativité qui sortent de la communauté, ça peut affecter les ventes la réputation du titre, hein, du jeu. Regardes rien que par exemple LOL, c'est ça a quand même réputation d'avoir une communauté qui est assez spécifique. Après, le matchmaking de LOL a été rechangé chaque année, j'ai l'impression. Oui. Et Je sais plus ce que ça donne maintenant. Moi non plus. Mais je sais qu'à une époque, je sentais vraiment des problèmes, mais je suis pas une personne qui rage sur les jeux. J'ai joué à beaucoup de jeux en ligne, et LOL, je trouvais qu'il y avait vraiment un problème. Savoir que beaucoup de matchmaking sont fausses. Ou fausses, pas fausses vraiment, mais sont un peu... sont pas exactement là où tu es. Biaisé, tu veux dire. Là où tu es. C'est pour te donner un sens de progression qui est plus véritable que oui, exactement. Tu as. Parce que le MMR, ce que les gens vont sortir toujours, le MMR, c'est le matchmaking rating. Parce que j'ai regardé juste avant l'émission. Oui, je constate. En gros, c'est en général, dans tous les jeux, t'as un MMR qui est un chiffre qui va dire ton skill. C'est un peu le chiffre qui te donne pour indiquer quel niveau de joueur. C'est le chiffre que tu regardes sur tes adversaires toujours. Sauf en début de partie de LoL. Tu ne peux pas l'avoir dans la plupart des jeux. Elle n'existe pas. La chiffre que tu vois dans LoL, ce n'est pas ton MMR. Et en fait, ce chiffre-là, le chiffre que tu vois qui est ton rang, est un chiffre qui est attaché, mais vaguement, à ton MMR. Donc par exemple, si ton MMR est de 200, on va dire, un chiffre au hasard, et que tu te retrouves en bronze, ils vont dire, ben bronze, c'est d'habitude là où se trouvent les gens avec 100 MMR. Donc chaque fois que tu gagnes en bronze, tu vas gagner plein de points, pour que tu passes plus vite en argent. Mais si argent, c'est là où il y a les gens où il y a 200 MMR, et que tu passes en or, et que toi t'as toujours 200 MMR, bah ça va te donner plus rien en points. Ok, parce que ils te considèrent comme surqualifié. Oui, en fait ils essayent de te garder là où ton MMR est par rapport à là où il est censé être, mais du coup ton grade reflète pas toujours très très bien ton MMR. Mais il y avait eu un problème aussi de frustration du joueur, des MMR qui ont été faits pour que le joueur se sente frustré, enfin un souci psychologique qui avait été créé sur, je sais plus si c'était LOL. Attends. Pourquoi pourquoi un jeu voudrait que les joueurs s'offrent ça? Pour acheter? J'ai con, mais ouais. Non, dans l'idée, c'est y a tout un souci psychologique. Je suis pas psychologue, du coup, je saurais pas te dire exactement. Il y a quelque chose qui s'appelle le ladder anxiety. C'est ça. En français, ça donne quoi? Sans doute. L'anxiété de ladder. L'échelle de l'anxiété. Okay. Ouais, ouais. Non, l'anxiété par rapport à l'échelle. Oui, par rapport à l'échelle, c'est juste. Je sais pas ce que c'est par rapport à ce que tu expliques, mais... je pense que c'est ça. C'est par exemple, t'es dans un bon move là, tu t'es en train de gagner et tout, ils vont continuer à te faire gagner jusqu'à que t'atteignes un certain niveau pour qu'ensuite ils te fassent perdre. Enfin, il y avait un truc comme ça, je sais que j'en avais entendu parler sur certains jeux qui utilisent ça. L'adder anxiety en général, c'est les gens qui, et ça c'est quelque chose aussi, c'est un problème pour le matchmaking, parce que imaginons que tu es un joueur qui arrivait plutôt en termes de MMR ou de rang ou quoi que ce soit, et tu dis je suis bien là, mais j'ai peur d'essayer d'aller plus haut, parce que tu as peur que tu n'as pas les capacités pour aller plus haut, mais tu veux plus redescendre. Donc il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de faire du rank pendant un moment pour se donner le temps d'avoir le courage de faire du rank, mais du coup leur niveau baisse parce qu'ils ne jouent plus au jeu, et quand ils reviennent, leur MMR n'est plus vraiment indicatif de là où ils sont vraiment. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ces joueurs qui jouent plus pendant tu sais pas combien de temps, qui mais reviennent ils ont fait ça sur LoL, de perdre des points. Non, c'est pas sur LoL. Ils font ça sur des jeux, de perdre des points. Sur For Honor, ils le font. Il expliquait qu'il faisait perdre le rang à chaque nouvelle saison dans For Honor. Je sais que LoL fait ça aussi, où chaque saison ça réinitialise, sauf que ça réinitialise pas ton MMR. C'est que le rang. C'est que le rang fictif. Donc tu fais tes matchs de placement et ton placement va être par rapport à ton MMR. Donc si déjà t'étais assez bien placé, ben tu vas te retrouver au même endroit. D'accord. Okay. Ouais, c'est pour pas que les gens. C'est incroyable parce que je me rappelle d'une saison de LoL. J'étais une grande joueuse de LoL à un moment. Une saison où j'avais tous mes potes qui ont été classés à 3 étages en dessous. Et on a fait nos matchs de classement en même temps. On a tous pleuré. Oui. Et on n'a pas forcément remonté. Il y a quand même eu un espèce de flow en une saison où ils ont changé le matchmaking qui a fait que tout le monde s'est vu rétrograder d'un coup. C'est pour ça que je dis que LoL a une particularité de changer son matchmaking et qui est assez impressionnant. Enfin, dans les années où je jouais, ça fait quand même quelques années que j'ai arrêté. Mais... Je sais que Overwatch, mon expérience dessus, c'est qu'à chaque nouvelle saison, t'as encore des matchmaking et à chaque fois ils me remettent en master et je sais pertinemment que je ne vaux plus le master parce que je joue trop rarement pour vraiment être à ce niveau là mais c'est juste que comme je joue rarement, ça me met toujours là en fait, et j'ai tendance à avoir 50-50 niveau victoire défaite, donc je reste va, là. C'est que quand même c'est honnête quoi. Oui c'est oui, clair. Oui, mais enfin, pour moi, genre, justement, un niveau où t'as 50% de victoire-défaite, pour moi, justement, c'est ton niveau. Ça veut dire que les gens sont à peu près tous à ton niveau, et que tu gagnes contre certains et que tu perds contre d'autres en fonction de la chance, de divers paramètres. Quoi. Le problème, c'est que là où je me... Dans la masse de gens, je me considère plus ou moins là où je devais être, sur Overwatch. Mon problème avec Overwatch, c'est que je trouve pas que la masse de gens qui sont en master devraient être en master. Parce que tu les considères tous comme des mauvais. En fait, t'as des rangs de bronze à master, à grand master. Il y a quand même une densité plutôt importante dans les platines diamants et ça devrait plutôt être dans les ors argent, et Blizzard eux-mêmes ont dit que c'était le cas. C'est un peu comme il a expliqué dans la conférence, qu'en gros t'as une certaine répartition selon les rangs. qu'il y a par exemple 20% des joueurs qui doivent être en bronze, 20% en argent, qu'il doit y avoir une grosse masse en or pour flatter l'ego, mais qu'en fait le or c'est la moyenne quoi. Ouais. Et du coup la moyenne elle est un peu trop haute pour Overwatch, parce que du coup après Master qui est quand même censé être difficile, il y a Grand Master et ça c'est censé être les pros. Donc, mais il y a quand même de ce que tu dis, il y a quand même la psychologie qui rentre en compte. Oui, bah oui, parce que dans tout ça. La psychologie, surtout quand tu veux changer le matchmaking, là, si tu arrives dans la situation difficile, plein de gens sont en diamant platine, ça fait super longtemps qu'ils y sont. Si on change le matchmaking et que tout le monde redescend vers or, t'as pas besoin de faire ça, hein. Bah, tout le monde va se dire. Bah... Tu fais l'inverse, tu fais comme il l'avait expliqué pour For Honor. C'est, tu fais des rangs jusqu'à. Je sais plus ce qu'il y avait, je crois que c'était platine. Ouais. Et qu'il disait. En fait, les meilleurs qui étaient en platine, en fait, ils avaient plus de jauge de progression parce que platine, en fait, il y avait trop de gens qui n'étaient pas tout à fait de niveau équivalent. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une catégorie master. Et où là, master, en fait, il y avait vraiment une grosse sélection, master 1 à 5, pour justement écrémer ce genre de choses. Et pourtant, ceux qui étaient avant ne sont pas redescendus, mais les bons joueurs se sont séparés de la plèbe. Pour la psychologie du joueur, c'est clair que c'est plus avantageux. Bah, LoL avait fait pareil avec son master avant le challenger. Et tu tombes sur des problèmes très étranges des fois. Le Dragon Ball FighterZ a un classement qui est très très bizarre, dans le sens où tu vas commencer à un rang, ils ont tous des noms bizarres, hein, c'est par rapport à des bêtes, donc genre Saibamen, Super Saiyan, etc. Mais en gros tu vas tomber rang papier au début, parce qu'il y a tellement de rangs qu'on va dire que c'est rang papier. Hein. Ils ont pas appelé ça rang Mister Satan. Non, c'est Saibamen au début. Ou non, c'est Terrien, je pense, au tout début. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais en gros, tu commences avec un rang qui est censé être le rang le plus bas. Sauf que, de ce que j'ai cru voir, j'ai pas vraiment vu comment ils le font en vrai, mais de tous les gens avec qui j'ai parlé. Quoi que tu fasses, que tu perdes ou que tu gagnes, pendant un moment, tu vas que gagner des points. Donc, pourquoi faire ? J'imagine que c'est pour donner un sentiment de progression au début de... Une fois que tu le sais, tu te sens tellement lésé. Oui, mais... voilà. Mais du coup, le problème avec ça, c'est que pour les nouveaux joueurs, ben, le rang Saibamen, il est vide. Parce que tous les gens qui jouent, ben, obligatoirement, ils vont se retrouver plus haut. Parce que tu peux pas perdre de points à ce niveau-là. De toute façon, c'est le principe des catégories novices. Hein. Oui. Enfin, par exemple, moi, il y a un jeu auquel je joue sur téléphone qui est Yu-Gi-Oh! Duel Link. Et en fait, quand tu commences les matchs en rank, t'as... je crois jusqu'à 3 catégories novices, mais qui sont là vraiment pour les joueurs qui découvrent le jeu, qui savent pas, qui ont aucune notion de stratégie. Et du coup, tu les mets là, tu regardes comment ils se débrouillent, et c'est plutôt le côté tuto rang. Quoi. Mm-hmm. Et ils ont raison de les mettre mais, là. Et ça marche bien pour certains jeux, pas pour les jeux de combat. Parce que le problème des jeux de combat, c'est il y a pas le droit d'être novice dans un jeu de combat. Bah si, et c'est, normalement ça devrait être le cas, c'est très dommage qu'en fait c'est pas le cas, en vrai, la plupart du temps. Parce que si tu n'arrives pas au début du jeu, au moment où tout le monde est en train d'apprendre les mécaniques, c'est très très difficile de te mettre dedans. Oh, mais il y a beaucoup de jeux qui font ça. Ah, mais c'est pour ça, pour ça que je te parle d'un rang novice où t'as les nouveaux joueurs qui se rendent compte. Quoi. Mais parce qu'en fait, vu comment les communautés de jeux de combat marchent, y a très très peu de novices qui arrivent au fur et à mesure, mais ils arrivent très lentement au fur et à mesure. Mais il y a souvent ce truc aussi avec les FPS. je sais que j'ai commencé à Battlefront. Au tout début de la sortie, j'ai laissé tomber, je suis revenue un an plus tard, je me suis fait exploser. C'était quelque chose de violent, en fait tout le monde avait pris un level incroyable, moi j'étais restée dans mon petit coin et je suis nulle en FPS, c'est terrible. Mais oui, du coup là il n'y a pas de place pour les novices, là c'est fini maintenant. C'est fini. Mais ouais. Ouais, ce que tu dis du coup Floris sur les jeux de combat, c'est que en fait si tu te mets pas au jeu de combat au moment de sa sortie et que tu commences en même temps que tout le monde, après du coup les novices ils sont tellement rares que du coup ils se retrouvent à jouer face à des gens qui sont plus forts qu'eux, c'est ça ? Tu te retrouves un peu obligé à un certain niveau parce qu'il y a tellement peu de nouveaux joueurs qui arrivent, parce qu'en général quand tu regardes tu retrouveras souvent dans les jeux de combat après la première semaine plein de posts où les gens ils vont dire ben ce jeu là il est mort après une semaine, parce que en général la première semaine il y a tous les nouveaux joueurs qui arrivent. Ceux qui veulent jouer entre potes et ceux qui veulent jouer en ligne compétitivement. Et après la première semaine, ceux qui jouent entre potes, ils font plus partie de ceux qui sont connectés de manière journalière. Donc quand tu regardes sur Steam le nombre de gens dans la population du jeu, elle baisse de les trois quarts en une semaine. Et après, pendant le reste de la vie du jeu, elle va rester plus ou moins stable, quoi qu'il arrive. Et après, à chaque fois qu'il y a un DLC ou quelque chose, ça remonte un petit peu, puis ça redescend, puis ça monte très très très peu au fur et à mesure du temps. Ouais, mais ça, est-ce que pour toi ça marche pour tous les jeux de combat? Parce que là, pense, j'ai un exemple en tête, que on va dire le jeu de combat élitiste, on va dire c'est Street Fighter, ouais. Alors que par exemple en opposition t'as Tekken, où là tu donnes la manette à n'importe qui et tout le monde va pouvoir s'éclater. Mais Street, c'est typiquement un jeu qui marche comme ça. Au début t'as la vague de gens qui font Street, c'est connu, on va jouer Street, on va tenter Street. Puis ils jouent en ligne, ils se sont défoncés la gueule. Et les gens qui ne veulent pas persévérer, ce qui n'y a pas de mal à ça, hein, peut-être que tu veux jouer avec tes amis, ils jouent plus en ligne. Et du coup, en général, ils sont juste plus présents. Ou ils vont que jouer quand il y a des amis chez eux, etc. Et du coup, ça finit avec une sorte de, on va dire, les omniprésents, ceux qui sont toujours là, qui font un peu la majorité de la communauté en ligne. Et je sais pas comment ça marche pour Tekken, parce que je suis pas... Moi je te dis ça parce que simplement Tekken pour moi c'est le jeu qui est évident. Si je veux faire découvrir un jeu de combat par exemple à mes parents, je vais leur mettre Tekken dans les mains, parce que t'appuies sur des boutons, ça fait des trucs et tu peux gagner, quoi. Oui, Super Smash aussi, j'ai moins de données sur ça, j'ai vu moins de données dessus, parce qu'en général Nintendo il a pas trop envie de dire ce qui se passe pour le jeu, et l'habitude les gens se refèrent un peu aux chiffres Steam qui ne sont pas toujours ceux que tu es censé suivre, parce que en général les gens achètent sur PS4 les jeux de baston, juste parce que c'est ce qui est utilisé en tournoi. Ouais, mais c'est clair qu'après je pense que sur le matchmaking, les jeux de baston c'est quand même de base c'est vachement élitiste. Pour moi c'est vraiment la notion arts martiaux, ceux qui font des tournois en arts martiaux, tu vois, c'est pas ceux qui apprennent. Ouais. Donc tu sais, je verrais, tu mets pas un novice avec un mec qui est ceinture noire 10e dan, je sais pas quoi. Pour revenir à des trucs un peu plus globaux, pas juste les jeux de baston, dans la conférence, il parle aussi des informations affichées quand tu vas te connecter à un match. Et ça, c'est dingue comment les gens y pensent pas quand ils font leur matchmaking, mais c'est tellement important, parce que si on te donne le choix d'accepter ou de refuser un match avant de rentrer dedans, les informations qui sont mises juste avant sont extrêmement importantes, parce que si tu es un bon joueur et que tu fais que tomber sur des gens qui ont peur de se battre à des gens à ton niveau, s'ils peuvent voir assez d'informations pour voir à quel niveau tu es, ils vont juste te refuser. Ah, mais après c'est dangereux, parce que du coup tu peux te retrouver Dans un match complètement inégal, donc est-ce qu'on te montre leur niveau pour que tu aies le droit de choisir ou pas si tu tombes sur quelqu'un de ton plus haut que toi. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui choisiraient la solution de facilité. C'est sûr. mais du coup, le problème, que des fois, ils essaient de trouver des petites manigances pour montrer le niveau du joueur, mais pas vraiment. Et là, tu te retrouves dans des trucs qui marchent absolument pas. Tu peux avoir une indication, mais après, je pense qu'il faut pas être trop précis. Par exemple, là, je prends un exemple en tête sur FIFA il y a quelques années. Genre, quand tu joues en ligne, t'avais les victoires ou défaites des 5 derniers matchs du joueur. Donc, tu voyais si il avait l'air un peu chaud, ou si au contraire, c'était plutôt un joueur qui prenait cher sur les matchs, quoi. Si je me souviens bien, celui qui est utilisé d'habitude, c'est l'enchaînement de victoires. Donc c'est juste combien de victoires d'affilée ce qu'il a fait. Non, mais c'est ça, c'est exactement après, ce que je te dis. Ça indique plus ou moins rien, parce que tu peux avoir des joueurs acharnés d'avoir perdu, comme des joueurs acharnés. Il y a toujours des cas spécifiques. Mais, mais disons qu'en fait, en indication, un mec où tu vois que tous ses derniers matchs, il les a perdus. Soit il est vraiment, il a pas eu de chance et il a pris trop cher sur tous les matchs. Soit c'est un joueur, tu sais, qui a un problème de connexion ou ce genre de truc et qui rage quitte. Soit c'est un joueur qui fait du reverse boosting. Oui, ça c'est quelque chose aussi qu'ils en parlent. On va expliquer ce que c'est. Ouais. Ça du coup, reverse boosting, c'est quand quelqu'un fait l'opposé de booster son compte, ce qui est il fait exprès de perdre tous ses matchs pour aller à très très bas rang et défoncer des gens qui savent pas jouer. Ouais. C'est beau. Et c'est pas si dur que ça à traquer, j'imagine. Si juste tu perds énormément de matchs, j'imagine que les gens qui font ce genre de matchs, ils font pas trop gaffe au nombre de PV qu'ils ont fait tomber aux ennemis, donc ils se laissent juste tabasser pendant tout un round. Ouais. Et du coup, j'imagine, tu traques les PV des deux joueurs, et si vraiment le mec il se fait que faire perfect en boucle, j'imagine que tu sais qu'il est en train de faire du jeu. Ça, par rapport à ça, il y a un truc que j'avais pas compris, c'est pendant la conférence, j'ai pas compris à quoi ça servait de faire ça en fait. De baisser volontairement de rang, ouais. C'est les gens qui en ont marre de se battre à des gens à leur niveau. Qui ont envie de gagner, quoi. Qui ont envie, tout simplement. Qui ont juste envie de gagner. Mais c'est le même concept que les gens qui hack. finalement ça sert à rien, parce que si tu hack, ce n'est pas toi qui deviens bon, c'est juste que t'as envie de gagner. Ouais, non, mais hacker encore, tu vois, il y a une notion de ah, j'ai hacké le jeu, j'ai un prestige que les autres n'ont pas. Alors que quand tu te baisses volontairement, tu sais, c'est un peu comme si t'allais à la maternelle pour te battre, quoi. Ouais, mais justement, les gens qui font du reverse boosting ou du smurf, donc le smurf, c'est carrément, tu vas te créer un nouveau compte. Mais c'est différent le smurf. Ouais, donc tu vas te créer un nouveau compte et du coup tu fais forcément débutant puisque voilà, mais à la finale tu joues avec des novices toujours, enfin en tout cas avec des gens moins forts que toi, moins forts qu'avec ton niveau réel. Et l'intérêt de faire ça, il expliquait aussi que c'était les gens qui se filmaient, qui streamaient leur partie en fait, pour montrer à quel point ils étaient bons forcément. J'ai jamais pensé. Il y a aussi dans certains cas comme Overwatch, tu peux des fois, il y a des gens qui se reverse boost pour jouer avec leurs amis. Oh bah oui, je l'ai fait. Parce que dans Overwatch, par exemple, moi je me retrouve toujours en Master. Quand tu passes Master, tu n'as que le droit de jouer avec des gens qui ont une différence de 500 de elo avec toi. C'est pareil sur LoL, ouais. C'est mais si tu es en dessous de Master, la différence devient de 1000. Donc c'est plus large. Donc si tu arrives dans là où les joueurs très bons sont arrivés, ça se réduit. Donc t'as pas le droit de jouer avec les gens qui sont beaucoup moins bons que toi. Mais c'est dégueulasse. Mais du coup, sur genre problème, t'as envie de jouer avec tes potes, merde. Oui, mais si t'as envie de jouer avec tes amis, c'est pour ça que t'es un smurf en fait. Ouais, tu le fais pas. En... Ouais, si tu ouais, t'as pas le droit de le faire en mais rank. Les gens aiment bien rank. Mais du coup, les gens ils aiment bien rank avec leurs amis. Du coup, ils font exprès de perdre. Ça donne un petit côté challenge, c'est normal. Ouais. Et ben, je crois qu'on a bien fait le tour de cette table ronde. On va pas spoiler plus. Elle existe, on va pas la refaire, mais du coup non, c'est bien. On a dit des choses qui n'étaient pas dedans. Merci Floris d'ailleurs, parce que de nous, tu es largement le plus calé sur le sujet. Sans toi, je pense que nous n'aurions pas parlé. Le tech de la team. C'est ça. Mais du coup, nous encourageons à consulter l'intégralité de la conférence aussi que vous trouverez dans la description du podcast. qui sera monté très vite, hein, Vincent. Ouais, carrément. Mais littéralement. Bref, nous allons passer du coup à l'interview. Nous avons des interviews de deux personnes, donc de Carmack Poleska, dont nous venons de discuter, et de Patrice Desilets. Alors, Patrice Desilets, si vous ne le connaissez pas, c'est le créateur de Assassin's Creed. Il a également travaillé, c'était le directeur créatif de Prince of Persia, Les Sables du Temps, et il est actuellement au travail, donc il n'est plus chez Ubisoft. Hein, et si vous vous souvenez peut-être de l'histoire, il était chez Ubisoft, puis il a quitté Ubisoft, il est allé chez THQ. THQ a fermé, THQ a été racheté par Ubisoft, donc Patrice Desilets s'est retrouvé chez Ubisoft, et Ubisoft a fait partir Patrice Desilets. Bref, il me semble que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas très gentil tout ça. Parce qu'en fait, il est parti son plein gré, mais Ubisoft n'était pas content, donc ils ont racheté la boîte pour pouvoir le virer. En plus, il est parti parce qu'il en avait juste marre d'Assassin's Creed, c'était pas méchant, quoi. Enfin, ça n'avait rien de. Ouais, je sais plus quels sont les détails. Je sais même plus d'ailleurs si, une fois que THQ s'est fait racheter par Ubisoft, si c'est Ubisoft qui l'a viré ou si c'est lui qui est parti de son plein gré. En tout cas, le fait est qu'il est reparti d'Ubisoft. Et du coup, il a monté sa propre boîte qui s'appelle Panache Studio, Panache Jeux Numériques. Il me semble, en français, en bon français, c'est ça. Et du coup, il travaille actuellement sur le jeu Ancestors de Humankind Odyssey, je crois que c'est ça le titre exact. Bref. Donc, nous avons une interview de Patrice Desilets également. Alors, on va commencer avec Carmack. Alors, je vais vous la faire genre à la première personne, comme si Carmack était avec nous. Alors, c'est parti. Bonjour Carmack. T'es obligé de changer de voix à faire ça. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire au niveau du design ? Au niveau design, j'y pense. Après, Nintendo, c'est une grande école de design, hein, en général. J'aime bien m'inspirer du design industriel, en général, qui a une approche beaucoup plus froide et systémique, puis rationnelle au design qu'en game design. Hein. Comme je le dis souvent, si t'es pas capable de designer une chaise, ou me demander au moins avoir un bon questionnement sur comment designer une chaise, tu peux pas être game designer. T'es pas game designer avant d'être designer en premier. Puis c'est tout ça trait en fait au design thinking. Hein, les idées qui ont été proposées par Ideo par exemple, compagnie en fait de la boîte de design, donc vous irez voir sur internet, il y a beaucoup de trucs par rapport à ça. C'est vraiment aller chercher un questionnement rationnel, autant au niveau de l'ingénierie en fait. Si vous savez pas comment faire une chaise, c'est normal, vous n'êtes pas entraîné à faire ça. Mais trouvez-moi les questions. Sortez-moi le questionnement en fait. qui va me permettre de comprendre que vous êtes allumé et vous êtes capable de faire la rationalisation. Hein? C'est qui mon client? Hein? C'est quoi l'utilisation de la chaise? Est-ce que c'est éphémère? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'on va la bouger? Qu'est-ce qu'on va faire dans l'espace avec? C'est quoi la clientèle, l'utilisation? Matériel, hein? L'esthétisme reste super important au niveau design. Hein? C'est pas juste la fonction, c'est sûr que la forme va aller respecter la fonction, mais c'est aussi penser au matériel physique dans ce cas-là. Puis si vous connaissez pas, ben, c'est aussi trouver des pistes de solutions de comment trouver de l'information sur comment bâtir une chaise. C'est quoi une chaise qui est confortable? C'est quoi les paramètres d'une bonne chaise par rapport à toutes les contraintes que vous avez, tu sais? Si un étudiant est capable de répondre à ça, il y a déjà la bonne pensée de base. Faut réappliquer ces mêmes concepts-là par la suite au niveau du game design. C'est la même chose. Pour ça, j'aime bien lire les livres de design industriel. Tous les paramètres qui sont établis, tu les lis puis tu les transposes en fait à notre industrie. Ça revient à des trucs qu'on apprend tout le temps en fait. Moi particulièrement, j'adore ça. Ouais. Nintendo design industriel, je pense que ça résumerait bien la question. Ouais. Pourquoi tu nous as mis ça? Déjà, j'aurais dû vous contextualiser un petit peu le truc. Je suis désolé pour le bruit de fond que je n'ai pas réussi à enlever. L'interview de Patrice Desilets est bien plus propre. Pour une bonne raison, c'est que c'est pas moi qui m'en suis occupé. Je crois qu'à un moment, ça parlait de chaise. Un petit peu. Après, c'est pas la première fois qu'on m'a parlé de l'exemple de la chaise. Ah, ouais. Tout le monde m'a parlé d'exemple. Ouais, voilà, voulez faire game designer, designer une chaise. C'est ce qu'on m'a dit au début. Je sais pas, je pensais pour mindfuck les gens. Enfin, moi, tel que je le comprends, c'est que tu fasses game designer ou que tu fasses du design industriel, finalement, tu fais du design. Et le design, c'est du coup forcément par rapport à un utilisateur. Donc ouais, il est important de connaître son utilisateur. On fait pas du... Vous savez, j'en ai parlé dans une table ronde sur l'accessibilité dans le jeu vidéo que vous trouverez en ligne prochainement. T'as les tables rondes sur chaîne. Voilà, j'en veux plus. Bref, il y a cette question de est-ce que le jeu vidéo c'est un art? Et moi je sais pas en fait si le jeu vidéo c'est un art, parce que le cinéma, ok, tout le monde s'accorde à dire que c'est un art, c'est le 7e art. La BD, c'est le 9e art, d'accord. Le jeu vidéo, pour moi, c'est une forte dimension artistique, c'est sûr, puisque dans le jeu vidéo, il y a de la musique, qui est considérée comme un art, il y a du cinéma, il y a de la cinématographie, il y a... Voilà, la dimension artistique du jeu vidéo, elle est forte et elle est présente, c'est sûr. Mais ce qui est le propre du jeu vidéo, c'est que c'est un média interactif. Et qui c'est qui est garant de l'interactivité dans un jeu vidéo? C'est le game designer, notamment, principalement. Et dans le game designer, bon bah il y a quoi? Il y a designer quoi. Donc forcément que c'est par rapport à un utilisateur, tandis que l'art, finalement, c'est par rapport à soi. C'est par rapport à ce que l'auteur a envie de communiquer. Et le média n'est que du coup le moyen qu'il utilise pour faire entendre sa voix. Mais dans le design, c'est pas ça. Dans le design, ton objectif, c'est l'utilisateur et c'est pas de faire entendre ta voix finalement. Alors il y a des jeux bien sûr qui sont beaucoup plus du côté des œuvres d'art que de l'œuvre de design. Hein, un Emily Zoé, si tu le compares à un Candy Crush Saga, c'est quand même autre chose. Non, je suis pas sûr parce que c'est simplement que ça s'adresse à un public qui a pas les mêmes attentes. Mais en termes de design, je pense que c'est conçu à peu près pareil. Hein. Je pense que c'est juste que ce que veut dire Vincent, c'est juste que ça sera plus de la poésie, des arts déjà connus qu'un Candy Crush. Ouais, mais tu vois, pour moi, que t'aies une notion artistique ou pas, le design reste aussi important pour l'un ou pour l'autre. Bien sûr. De toute façon, Candy Crush n'aurait pas eu autant de succès avec un design nul. Mais parce que mine de rien, derrière Candy Crush, enfin, il y a des mecs qui ont fait un putain de boulot pour bosser sur le système de récompense que t'as à chaque niveau pour avoir une rétention des joueurs qui est quand même assez exceptionnelle. Le travail de rétention des joueurs, comme tu dis, sur Candy Crush, il est incroyable. Mais justement, Candy Crush, on est d'accord que c'est pas le mec qui a travaillé sur Candy Crush, le mec qui a eu l'idée de Candy Crush. Ah, déjà, c'est pas Candy Crush. Ouais, non, mais. Ce qui est le propre de Candy Crush, je veux dire, le gars qui a eu cette idée-là, il s'est pas levé un matin en disant putain, le monde a besoin de ce jeu, moi j'ai envie de faire ce jeu, il faut que je fasse ça, quoi, c'est le but de ma vie. Non, on est d'accord que le mec qui a fait Candy Crush, il s'est dit ok, je vais faire un truc qui va vraiment parler aux joueurs et qui va pouvoir me rémunérer, quoi, derrière. D'ailleurs, Patrice Desilets, on reparle après. Mais on est d'accord que le focus sur Candy Crush, c'est l'utilisateur. Non, mais après, pour moi, j'ai une vision assez business du jeu vidéo, et pour moi, quand tu veux faire un jeu, enfin derrière t'as quand même tout un studio, tout un système financier derrière toi. Ouais. C'est pas comme si tu faisais un jeu tout seul dans ton garage et que tu le sors et que tant mieux ça fait un succès et tant pis si ça marche pas. Si tu fais un jeu avec avec des gens qui bossent avec toi derrière, avec des salaires à payer, pour moi t'as la nécessité que ça parle à l'utilisateur et que ça se vende derrière. Donc que ce soit Candy Crush ou un Emily's The Way, enfin pour moi la distinction c'est pas le caractère poétique, c'est juste une cible de joueurs que tu vas toucher plus précisément. Oui Marie. Mais cette cible elle va influer en fait sur comment est considéré le jeu. C'est pour ça. Tu vas pas mettre les mêmes moyens en termes de visuel, de poésie, d'écriture. Ouais mais c'est pour ça, mais je veux dire simplement que la méthode de design ne change pas en fait. Non la méthode de design ne change pas. C'est on se réfère juste au fait de considérer un jeu comme une œuvre d'art ou non. Je pense vraiment que ça dépend du design qui est intégré dedans. Après pour moi il y a un rassemblement d'art, donc la musique, le dessin, tout ça. Pour moi c'est de l'art, mais enfin dans l'idée quoi. Après je comprends que certains disent que la notion d'art est compliquée dans le jeu vidéo parce qu'il y a de la programmation et comme tu dis il y a du game design. Mais en même temps dans le cinéma il y a de la réalisation, il y a tout ça derrière, il y a de la technique autant que dans le jeu vidéo, donc c'est vrai que cette question que tu soulèves pour une bonne raison, je suis sûre que tu vas y venir mais elle est très confuse, je pense qu'on peut carrément faire une émission là-dessus. Ouais, mais c'est vrai que les arguments je les ai pas encore vus contre. Donc ouais, on va faire une émission comme ça, tu peux me dire « Non, les jeux vidéo, c'est pas de l'art !» ou l'inverse. Ah ouais, mais du coup, tu vois, j'hésite à creuser un petit peu plus le sujet maintenant ou à attendre qu'on fasse... Non, tu vas attendre. Ça peut vraiment durer une émission. Ouais, là, ouais, vous savez quoi, on va faire ça. On en fera une émission complète parce que c'est un sujet que j'ai vraiment très envie de creuser. Et bon, ouais, on risquera d'y passer trop de temps maintenant. On va mais tourner en rond pendant 1000 ans. Ouais. mais du coup, oui, l'exemple de la chaise, c'est ça. C'est qu'à la finale, une chaise, basiquement, vraiment, tu crées pas une chaise parce que t'as envie de créer une chaise. Tu crées une chaise dans l'objectif qu'elle serve à quelqu'un. Et du coup, c'est du design pur, une chaise. Et du coup, c'est ça. Si t'es capable de faire une bonne chaise, tu peux faire un bon jeu vidéo, quelque part. Vu que c'est vraiment... Le jeu vidéo a une dimension artistique plus forte que la chaise, mais y a du design derrière. Et bref. Allez, ouais, comme tu dis, on va éviter de tourner en rond maintenant. d'accord. C'était une histoire de chaise, donc, cette interview. Ouais, voilà. Bon, allez. Du coup, la suite de l'interview, où j'en étais. Ah oui, Carmack, tiens. quelle est ta philosophie en tant que game designer? Ça dépend en fait, ouais. Ça dépend du contexte. Philosophie personnelle. J'aime bien tout ce qui est émergent. Tout ce qui est un peu décalé et nouveau au niveau des mécaniques. Et tout ce qui est très systémique. Mais ça, c'est personnel. J'aime bien travailler sur des idées qui sont bottom-up. Et bâtir avec l'équipe. Donc sortir vraiment le corps qui est intéressant, si ça l'est. Faire des tests, trouver les hypothèses, etc. C'est vraiment ça, même Chibi, au plus possible, quand je peux le faire, je le fais. Mais je pense dans l'absolu, peu importe le contexte, c'est la rationalisation qui est importante. Souvent, on m'appelle sur les productions à aller régler des problèmes. C'est genre, il y a quelque chose qui a pété. Je suis pompier, en fait. Donc, je suis pompier, on m'appelle, il est arrivé un problème, les gens, ils s'entendent pas. OK, pourquoi? Souvent des problèmes de communication. Encore là, la rationalisation. Qu'est-ce que les artistes y veulent? Qu'est-ce que les auteurs y veulent? Qu'est-ce que les designers y veulent? C'est quoi les contraintes techniques qu'on avait? Hein, aller chercher l'information comme un détective, en fait. Puis à partir de ça, raisonner sur qu'est-ce que je pourrais proposer à tous ces gens-là qui sont, par exemple, ils ont de la difficulté à communiquer parce que c'est un problème qui est arrivé. Hein? J'arrive là, en fait, comme un cheveu sur la soupe. On va régler le problème. Ça, si vous allez voir en industrie, en jeu, en projet, ça arrive tout le temps. Vous arrivez là, on vous appelle comme le sauveur. Il faut que vous le prouviez. Hein? Faites la recherche, identifiez tout c'est quoi les problématiques, les contraintes, les besoins. Allez offrir quelque chose qui répond le plus possible. Puis là, c'est les compromis. Là, on tombe dans la politique, on tombe dans les discussions. Puis, parce que ça, c'est super important au niveau design. C'est pas juste du design qu'on fait, c'est beaucoup de communication, beaucoup de politique aussi. Je vais aller plaire, en fait, à quelqu'un. Par contre, il faut qu'il me laisse du chemin pour aller permettre qu'on respecte les contraintes. Hein. Je veux bien respecter ta direction artistique. On va se forcer, je t'assure, on va se forcer à ce que tel élément soit respecté. Mais par contre, celui-là, il va le laisser tomber. Il faut que tu choisisses un des deux. Allez, on va dans les compromis, en fait. Donc, c'est tout cet aspect-là qui est intéressant. qui est intéressant en fait à développer. Ça c'est plus niveau corpo, hein, industriel. Mais tout ce qui est en création, donc en conception, j'essaie quand même d'être très bottom-up. Hein. On part sur les intentions de la direction créative, on part sur des protos dans Unity, on travaille sur ce qui est intéressant avec l'équipe, designer, level designer, artiste, programmeur, puis on y va vraiment plus quelque chose d'émergent. Ouais. Ce serait ça. Ouais. Voilà, je suis encore navré pour le bruit de fond qui est proprement insupportable. J'ai l'air top dans la radio. Ouais. Alors, si vous écoutez cette émission dans le futur, il se peut que je l'ai édité et que j'ai calmé le bruit d'arrière-plan, mais peut-être pas. On n'y croit pas trop. Bref, du coup, Carmack, oui, ça me fait penser parce qu'il reparle de sa conception de design qui est bottom-up. Donc, bottom-up, si vous ne savez pas ce que c'est la philosophie de développement de Nintendo, tout simplement, qui s'oppose au top-down. Alors, qu'est-ce que c'est le bottom-up et top-down? Le bottom-up, c'est quand vous partez de briques de gameplay, de mécaniques de gameplay, et que vous construisez votre univers, votre scénario autour de ces mécaniques de jeu qui sont déjà présentes. Et le top-down, du coup, c'est quand vous partez d'une idée narrative et que vous développez un jeu à partir de ça. Et voilà, et du coup, oui, puisque sur la question des inspirations, je ne vous ai pas passé l'extrait en entier. Sur la première interview, je vous ai passé quelque chose de coupé parce que c'était un petit peu trop long. Et voilà, chaise. Ouais. C'était la chaise le plus important. Bref, Of the Wild. À chaque fois que je dis bref, je pense au titre de Zelda. C'est parce qu'il est tellement bien ce jeu. Oui, c'est pour ça que tu penses. Beaucoup trop d'heures dessus. Non, j'ai jamais joué. Ah. Okay. Bref, Of the Wild. Non, merde. On en était où? Bon, on en était que le fait que j'ai pas compris un truc, c'est que dans son interview, il est game designer. Oui. Senior. Il parle de gestion d'équipe. Oui. Oui. Est-ce que à Ubisoft, il me semble qu'il y a des gens pour gérer les équipes. Du coup, pourquoi c'est pas eux qui s'occupent de cette fonction? Est-ce que tu sais? Bon, alors déjà, j'ai pas son LinkedIn en tête. Je sais que qu'il est senior game designer, mais en vérité, sur les différents projets sur lesquels il travaille, il fait différentes choses. Il ne fait pas forcément que du game design. Après, c'est aussi le rôle du game designer de veiller à la cohérence du projet, à ce que toutes les équipes aillent dans la bonne direction. La communication, ça fait vraiment partie intégrante du boulot du game designer. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il en parle, parce que oui, il y a des chefs de... Oui. Je suis d'accord avec toi. J'avais juste l'impression qu'il vraiment prenait le rôle de chef de projet en soi. Mais même si un game designer, c'est un de ses rôles principaux, je pense, à 50%, il gère le fait que la DA soit bien calée avec la prog. Enfin, c'est un métier aux multiples facettes. Oui, pour revenir un peu à ce qu'on disait avec le matchmaking, il y avait tous les trucs, on parlait un peu de psychologie, tout ce qui peut arriver quand tu fais une modification. Je pense que c'est vraiment super, du coup il en parlait, c'est vraiment super important de savoir qu'est-ce qui peut se passer niveau humain avec tous les choix que tu fais, que ce soit dans le jeu ou en dehors, dans tous les cas je pense, même dans la communication entre les équipes, parce que ça va juste affecter tout ton jeu tout le temps en fait, puisque voilà, c'est pour... Puis il suffit que tu changes un truc, genre ah bah tiens le personnage il va mourir à ce moment-là et qu'en fait les gens ils étaient trop attachés, ils vont faire mais non tu fais pas mourir et que ça va créer un truc pas possible. Je suis game designer, je fais ce que je veux. Non, ouais, non, ouais, effectivement, il faut qu'il parle de tous ces changements à toutes ces équipes, c'est normal. Je crois qu'il parlait de ça. Il disait qu'il était un pompier aussi. J'ai retenu ça, moi. J'ai retenu qu'il était pompier. Alors, on parle de chaise et de pompier. Je pense que j'ai tout compris là. Rappelez-vous bon. Devin Retry. Par rapport à son truc de pompier, je crois que j'ai compris ce qu'il veut dire. C'est juste qu'on l'appelle à un certain moment sur les prods et il arrive en mode quand tout est cassé, bon, il faut que je répare un truc. Mais c'est comme si t'arrives devant un bâtiment, qu'ils ont oublié de faire les fondations et qu'ils disent bon, vas-y, tu peux m'arranger un truc. T'es pompier, mais en même temps, t'es à moitié architecte. Ça va être super compliqué parce que ce qu'il disait, en gros, j'ai l'impression qu'il venait complètement d'ailleurs, qu'il arrivait sur le projet, qu'il connaissait pas forcément les équipes et qu'il devait. C'était le cas pour For Honor, non? Oui. Ouais. Ça doit être hyper compliqué d'arriver sur un projet et de dire bon, les gars, maintenant on fait ça. Les gars, t'es payé pour ça en fait. Mm-hmm. Ouais. Mais oui, non, mais c'est ça doit être ce que je veux dire, c'est que le métier de consultant, waouh! Waouh! Ça va être super évident. T'as raison, il nous faut cette boîte à son. Oh, tu vois, je vais l'installer, c'est obligé. Ok, on enchaîne. Dis-moi, Carmack, quel conseil donnerais-tu à de jeunes développeurs? conseil général, mais ça je l'avais déjà fait, mais c'est personnel. Vous allez le voir en fait. Vous allez avoir beaucoup de professeurs, de gens qui vont vous dire de spécialiser. Hein? Faites attention. C'est bien la spécialisation, puis il faut le faire. Mais il faut toujours quand même aller dans une approche horizontale pareil. Valve, il disait ça en fait. J'en ai pas parlé, hein, mais comme Inspiration Design, Valve aussi en est une. En créer un profil en T. Donc connaître un peu de tout. Au niveau art, donc avoir fait de l'art, avoir fait de la programmation, avoir fait du design, avoir fait un peu de la direction technique, du management de projet et compagnie. Pas être un pro, juste comprendre c'est quoi les réalités de chacun des métiers et vous spécialiser dans une branche. La branche à votre niveau, c'est du design. Mais après, il y a une surspécialisation à faire peut-être à votre niveau. Mais avant ça, avant d'être un economic designer, vous êtes un game designer qui est un développeur de jeu. C'est important vraiment de bien comprendre toutes ces strates-là. Puis je pense qu'il y a des étudiants qui tombent dans le piège, malheureusement, parce qu'ils disent « Ah, mais moi, je suis economic designer. » Ah, c'est cool, ça fait 2 ans, en fait, il y a plein de besoins dans l'industrie. Toutes les compagnies dans le coin ont tombé. Faut que tu te recycles. Faut que tu sois capable, en fait, de te retomber rapidement sur tes pieds. Ça veut pas dire qu'il faut pas spécialiser. Ça veut dire qu'il faut quand même être assez autodidacte et multidisciplinaire, en fait, à ce niveau-là. Ça serait mon premier. Et deuxièmement, en fait, c'est planifier en fait votre approche de l'industrie ou l'approche de votre carrière après avoir atteint votre but. T'sais. Moi, c'est ça, je me suis rendu compte rapidement. Je voulais être game designer professionnel. Hein, je me suis fait offrir de quoi chez Ubi. Je suis rentré. J'étais comme yes! J'ai réussi. Mon rêve d'enfant que j'avais, c'est accompli. Mais mon prochain but, il était pas clair. Parce que j'ai tellement focusé sur ça que j'ai pas regardé les autres étapes, qu'après ça devient difficile en fait de planifier l'évolution de votre carrière. T'sais. Donc à ce niveau-là, pensez-y en général. C'est sûr que c'est difficile parce que c'est très inconnu. Hein. L'industrie est inconnue, c'est difficile de se projeter. C'est normal. Mais mis à part ça, pensez à qu'est-ce que vous aimeriez faire quand vous êtes senior dans 5 ans, dans 10 ans par exemple. Comment vous voyez votre évolution? Aussi, quand vous rentrez dans la compagnie, soyez ouvert à en parler en fait avec votre boss. Hein, vous projetez, vous dire moi j'aimerais ça faire ça dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu me proposes en fait? Ils sont là aussi pour vous mentorer jusqu'à un certain point. T'sais. Surtout quand vous rentrez dans l'industrie, ils devraient être là vraiment pour vous aider. Donc pensez-y vraiment. Demandez conseil à des professionnels. Dans la situation elle-même d'emploi que vous êtes, essayez de planifier un peu plus à long terme. Ouais. 2 conseils. Ouais. Eh bien, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Merci, Carmack. Allez, merci beaucoup. Au revoir. C'est qu'il répond très vite, ce Carmack. Il est incroyable. Eh ben, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Ah, bah moi, j'aurais nuancé son propos, tu vois. D'accord. Ah ouais. Mais alors. Mais alors, battons-nous. Faisons vite, par contre, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on. Allez, on a eu 15 minutes de retard, ça va. Ouais. Bientôt 15 minutes, là, c'est bon. Allez, vas-y. Ok, je me dépêche. Je voulais juste dire qu'il dit de demander à des professionnels. Le truc, c'est que dans l'idée, je suis d'accord. Par contre, ne pas trop écouter les professionnels qui essayent de nous guider dans des voies qu'on n'a pas forcément envie d'aller en tant que créateur de studio, de jeu ou quoi. Je sais que je travaille avec des gens qui ont tendance à beaucoup trop écouter. Enfin. J'ai travaillé avec des gens qui ont tendance à beaucoup trop écouter des professionnels, quitte à pratiquement quitter leur idée de base pour écouter ces professionnels parce qu'ils pensaient avoir qu'ils avaient la parole sainte et alors que non, il faut toujours se référer à son projet. D'accord. Moi, c'est pas là-dessus où j'étais vraiment d'accord. C'était sur tout ce qu'il disait par rapport à la formation, que tu devais toucher à tout. Ah oui, absolument. En fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, que se surspécialiser, en fait, ça fait que s'il y a un micro-changement, comme il dit, ça fait que t'es mort. S'il y a un changement qui fait que ton métier devient obsolète, t'es mort. Donc pour moi, il faut vraiment savoir, pas tout maîtriser, mais tout connaître pour pouvoir s'appuyer, discuter avec des gens. De manière générale, il faut avoir une grande culture pour bien s'en sortir. Pas juste pour ça, mais aussi en design, en général, comme tu fais la liaison à tout le monde, c'est juste une meilleure chose d'avoir des bases de savoir sur un peu tous les métiers qui te concernent. Ouais, bah, j'allais dire exactement la même chose que toi. ouais, parce que quand tu communiques avec des gens et que tu leur fais des demandes, s'ils te regardent, ils font mais t'es bête ou quoi, non je peux pas faire ça. Si t'as touché un peu à tout, tu t'es capable de dire oui si c'est possible ou non ce n'est pas possible. Donc voilà, ça aide dans la gestion en tant que game designer, c'est important. Ouais, tout à fait. Avant de passer aux extraits de Patrice Desilets, je vais vous faire un petit peu de contexte, puisque c'est une anecdote que j'aime bien. Moi, je me suis fait plein d'anecdotes pendant cette semaine des industries culturelles et créatives. Et alors, en fait, la conférence de Carmack, elle avait lieu le 10 avril. Et le 12 avril, deux jours plus tard, moi, je pensais qu'il... Enfin, je ne m'étais pas posé la question, mais selon moi, il devait être reparti à Montréal. Eh bien, je l'ai croisé dans une ruelle. Genre, il n'y avait que nous, plus un des intervenants de ma table ronde. Et je le croise et je le remarque parce qu'il a sa casquette Watch Dogs qui n'enlève jamais. Et du coup, je suis là... Attendez, Carmack, je viens de croiser Carmack là. Et en plus, du coup, forcément, si je viens de croiser, c'est qu'il est à Montpellier. Et qu'est-ce qu'il y avait ce soir-là? La soirée de clôture de la semaine d'industrie culturelle et créative à laquelle je pensais ne pas aller. Enfin, en tout cas, j'étais pas sûr. Putain, du coup, forcément, là, ça m'a forcé. J'y suis allé. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Alors, là, par contre, la soirée s'est déroulée du coup dans un hangar à l'EAI, qui est là où... La métropole va essayer de mettre plein de studios à Montpellier, plein d'entreprises du numérique sur Montpellier. Et c'était un hangar vraiment encore en construction. On imagine très peu probable que l'EAI soit disposé à accueillir des entreprises à la rentrée de septembre. Il me semble que c'est la date qui se sont fixées. Ils vont carburer. Ouais, t'inquiète pas, Montpellier, on est rodé sur les travaux. Et du coup, ouais, l'interview s'est faite dans un hangar avec des murs en tôle et un concert dans le même truc. Donc forcément, on a eu un son dégueulasse. Voilà. Et puis, en ce qui concerne Patrice Desilets, du coup, c'était bien marrant aussi. Il a donné une conférence pour le 10 avril pour le Forum des industries créatives. Et j'étais, je vois Patrice Desilets qui est au loin. Il est si près de moi et en même temps, c'est inaccessible. Tu vois, là je suis mal et en fait je tombe sur Marion Mariachi qui est membre de Amalgame qui voulait interviewer Patrice également. Et en fait, Marion travaille à France Bleu. Elle m'a fait, tu veux l'interviewer? J'ai fait, grave! Et du coup, j'ai accompagné, elle s'est présentée à Patrice en disant qu'elle travaillait pour France Bleu. Et elle lui a demandé si elle pouvait lui poser quelques questions. Alors, elle lui a pas dit que c'était pour France Bleu les questions, puisque ce n'était pas pour France Bleu, mais en tout cas, le lien s'est peut-être fait tout seul dans la tête de Patrice. Il va se sentir encore léger. Toujours est-il qu'il est parti pour une interview et moi, j'ai faké que j'étais l'assistant de Marion, ce qui était très comique quand Patrice a vu que c'était Marion qui s'occupait de monter le trépied. Bah, s'il écoute David Ritra, il est désolé. et bref, et du coup, voilà, j'ai pu interviewer Patrice comme ça, c'était super, donc je te remercie Marion. Du coup, c'est parti. Bonjour Patrice. Est-ce qu'il y a un designer qui t'a inspiré ou qui t'inspire toujours d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un designer qui m'inspire toujours, qui m'a inspiré? Ben, je ferai pas de name dropping, je ferai pas de... Mais oui, tous les bons jeux m'inspirent. En fait, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un qui joue encore. Je suis pas blasé du jeu. Évidemment, je l'ai déjà dit, Kojima m'a inspiré à une certaine époque. Miyamoto, parce que on répète ce qu'il a fait dans les années 90. Il a comme tout inventé. J'ai toujours dit que, dans le fond, Mario 64 avait, sans savoir, mais tout inventé. On est pris à recréer ça. Aujourd'hui, il y a toute la scène indé qui, moi, me plaît beaucoup parce qu'ils essaient des choses. Mais en même temps, je m'amuse dans les gros jeux aussi. Hein. Faut pas... tu vois, ça fait un an que je joue à The Witcher parce que c'est juste bien foutu. Puis j'avais pas joué les DLC encore. Donc, ma PS4 est morte. Donc, je m'en suis acheté une nouvelle. Et donc, j'ai redownloadé Witcher 3. Et donc, je m'amuse, quoi. Mais ensuite, c'est drôle parce que c'est là que je suis un vieux de la vieille, quoi. C'est des amis. C'est mes amis, toute cette industrie-là maintenant. Et on s'inspire quand on se rencontre puis qu'on a nos discussions de fin de soirée, quoi. Voilà. J'espère que vous avez écouté, puisque moi, j'ai été distrait en technique. Nous avons écouté. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais. Nintendo, c'est une inspiration qui revient assez fréquemment chez les développeurs. J'ai remarqué ça. Ben, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au design de comment les jeux, comment les jeux sont faits et pourquoi certains choix sont pris, c'est sûr que quand tu regardes les jeux Nintendo, t'as tendance à dire qu'ils sont vachement bien foutus quand même. Au niveau du gameplay, oui, sans aucun doute. Oui, c'est sûr. Après, Non, mais justement, enfin, c'est, les jeux Nintendo, c'est presque du game design pur. En tout cas, c'est ce qui est le plus mis en avant, hein, bien plus que le scénario, par exemple. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que justement, le jeu vidéo, c'est avant tout du game design et des mécaniques de jeu et de l'interactivité, du coup. Et c'est pour ça qu'ils sont très souvent pris en exemple. Je le comprends tout à fait, même si moi, je joue assez peu de jeux Nintendo, du fait que je n'ai pas les machines. Et aussi, enfin, j'ai une 3DS, mais ça m'a juste servi à jouer à Kingdom Hearts 3D. Oh putain, j'ai réussi à le placer. Ouais, faut savoir qu'il y a un objectif, il est censé le placer à toutes les émissions. Il l'a fait. Il est trop fier. Ah là là, putain. Oui, oui. Alors, ouais, Nintendo. Bon, je pense qu'on peut enchaîner avec l'autre extrait. Du coup, Patrice, quelle est ta philosophie en tant que game designer? Au départ, je pense au produit que je vais vendre. C'est important, ça. C'est le sell. Parce qu'au final, moi, je veux vendre des jeux. Non, mais c'est le côté, je suis un artiste, oui, mais non. C'est pas juste l'art pour l'art. Moi, je veux vendre. Et même si je faisais un jeu vraiment 100% artistique, je me dirais, oui, mais à qui je peux le vendre? Pour moi, c'est intrinsèque à la réalisation de ce que je fais. Mais moi, je pars, c'est drôle parce que je dis souvent, je suis pas le plus original. Je pars d'une réalité, j'essaie de la recréer. Donc, je regarde autour de moi et même le prince, au départ, c'était moi qui se promenais dans les bureaux d'Ubisoft et Ubi Montréal, c'était à l'époque, ça l'est toujours, mais c'est plus rénové, c'est une vieille usine. Donc, je regardais tous les tuyaux qu'on voyait et je me disais, je pourrais interagir avec ça. Et c'est, voilà. Et Assassin, c'est des lectures sur le mythe du vieil homme de la montagne. Et là, l'Odyssée humaine, c'est de la paléanthropologie qui me sert de sujet. Et j'ai envie que les gens revivent des moments, des époques. Donc, je fais pas vraiment des jeux très créatifs, en fait. Je suis pas l'être le plus créatif, mais de faire de la 3D et comment interagir avec ça, ça devient intéressant. Et nous, en jeu, c'est la différence des autres médiums, hein. C'est l'action. L'action et les choix sont les deux moteurs principaux d'un jeu vidéo. C'est pas les émotions. Et faites attention, tous les créateurs de jeux qui vous parlent d'émotions, ils comprennent pas ce qu'ils font vraiment. Nous, on fait les parties qui restent sur la table de montage au cinéma. Tu vois, le personnage principal, il se lève. Et là, on le revoit au bureau. Ben nous, c'est tout le trajet entre les deux. Et c'est ça, faire le jeu. Et c'est toutes les actions. Vous riez, mais GTA, c'est tout partir de chez soi puis d'aller jusqu'au magasin, quoi. Et tout ce qui se passe entre les deux, c'est vraiment les parties intéressantes. Et c'est pour ça que c'est très difficile de faire un film à partir de jeux vidéo. Parce que les séquences d'action, tu les as jouées. Et donc, tu as vécu une émotion beaucoup plus intense que de voir une séquence d'action à l'écran. Et voilà. Donc moi, ma philosophie, c'est de prendre un sujet et de jouer autour de l'action du sujet pour que le joueur soit le co-créateur de l'expérience. Et c'est ça la différence des autres médiums. C'est que le joueur est toujours en dialogue avec un jeu, il décide de faire ce qu'il veut, quoi. Et moi, je lui donne des propositions. Donc c'est ça ma vraie philosophie, c'est d'avoir plusieurs propositions pour qu'un joueur ou une joueuse fasse bien ce qu'ils veulent avec ce que je lui donne entre les mains. Merci, Patrice. Ouais. Oses-tu rire en plein interview, Vincent? C'était moi ou c'était peut-être Marion? Non, c'était toi. Oui. Oui, non, mais parce que, en fait, sur le moment, je n'avais pas très bien compris ce qu'il disait par là, que le jeu vidéo, c'était ce qui restait sur les tables du cinéma, c'était ce qu'on ne gardait pas dans un film, en fait. Mais après, il l'a explicité et j'ai très bien compris. Je trouve qu'il a raison. Le problème dans une adaptation cinématographique, pourquoi est-ce que souvent ça ne marche pas? C'est parce que, basiquement, ce qui est intéressant dans un film, ce n'est pas ce qui est intéressant dans un jeu et vice-versa. Dans un film, vous avez le mec qui est chez lui. Vous voulez le faire arriver à son travail, et ben qu'est-ce que vous faites? Vous faites un cut et le mec il est direct à son travail et le public, le spectateur a compris qu'il a fait le trajet pour y aller, qu'il s'est pas téléporté d'une scène à l'autre. Mais dans un jeu vidéo, ce qu'on fait, c'est que le moment, la séquence qui a sauté au cinéma, qui est le trajet de la maison au travail, c'est ça la séquence de jeu dans un jeu vidéo, en fait. Et du coup, c'est assez dur de retranscrire ça quand on fait une adaptation cinématographique d'un jeu vidéo, parce que, basiquement, tout ce qui est intéressant dans un jeu vidéo, c'est assez difficile de le rendre intéressant dans un film. C'est l'un des problèmes, ouais. C'est Quantic Dream qui le fait avec Beyond Two... Beyond Two Souls. Oui, Beyond Two Souls, tout à fait. Ouais, j'allais dire ça, mais non, c'est Beyond Two Souls. qui, de fait, avec Beyond Two Souls, il saute de scène en scène, ce qui permet d'avoir un film interactif, un jeu interactif. Et du coup, là, ça marche. Maintenant, ils le font de plus en plus, de sauter des scènes. Ça peut marcher. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé. Que genre c'est débile, mais le trajet en voiture, quand tu dois le faire dans un jeu, c'est beaucoup moins intéressant que si on pouvait le sauter, ce serait beaucoup plus efficace. C'est pour ça dépend si c'est GTA. Pour revenir d'ailleurs à Nintendo, ouais. Pour les gens peut-être qui n'ont pas remarqué, mais par exemple, dans la plupart des jeux, quand tu fais un trajet, c'est juste du déplacement. Et tu, verras dans Assassin's Creed, le déplacement se simplifie de plus en plus. D'habitude, dans les jeux Nintendo, le déplacement fait partie du jeu. Donc la barre de stamina, c'est un peu une méthode de rendre le déplacement un jeu, parce que du coup, ça devient une gestion de j'appuie et je relâche le bouton pour pouvoir courir le plus loin le mieux possible. Mais là aussi, t'as le chemin automatique. Oui, le chemin automatique, et la ligne au sol dans la plupart des jeux, ça enlève tout le... Oui, ça marche bien. Ça enlève une grande partie du jeu... dans ce qui est l'exploration, etc. Ça me fait penser à Final Fantasy. J'en avais marre de conduire, et puis t'as la course auto, et après t'as la téléportation, et là t'es trop content parce que bon, c'est bien mignon, mais on s'ennuie quoi. Ah, j'aimerais continuer à discuter de cela, mais là vraiment, il était prévu qu'on ait plus longtemps que d'habitude, et d'ailleurs c'est un format qui devrait, ce format plus long que d'habitude devrait devenir de plus en plus régulier. Ça devrait se formaliser. Ouais, pas pour toutes les émissions, je pense que genre une émission sur deux on fera toujours qu'une heure, mais sinon ouais, il est possible que l'autre émission ce soit une heure et demie, mais là quand même on fait beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Ouais, et ouais, il est temps de rendre l'antenne. Du coup, je vais juste, sans transition, vous recommander les chroniques Hero Gaming de Marion Bargiacci, que vous pouvez écouter aussi dans Amalgame, et dans ses chroniques Hero Gaming notamment, elle interview énormément de personnes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo à Montpellier principalement, dans l'Hero en tout cas. qu'est-ce que je veux dire, du coup, conclusion, nous arrivons au terme de cette émission et je vais lancer la musique qui va bien, et voilà, je n'ai pas la l'habitude. Merci d'être à la technique, ouais, Vincent. Ouais, t'as vu ça. Alors, je vais vous dire, pensez à checker la description du podcast pour retrouver les liens de ce dont on a discuté ce soir et d'autres liens utiles. Vous pouvez nous suivre les pages Facebook et Twitter de Dev & Retry pour ne rien louper ou nous contacter. Likez, partagez, tout team. Je vous remercie, mes chers chroniqueur, d'avoir été avec moi pour cette émission. Merci à toi, Vincent. Merci, Vincent. Et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Je vous dis bye bye. Bonsoir. Bonsoir.